Portrait littéraire de Molière par Charles-Augustin Sainte-Beuve. Il y a en poésie, en littérature, une classe d'hommes hors de ligne, même entre les premiers, très peu nombreuses, 5 ou 6 en tout, peut-être, depuis le commencement, et dont le caractère est l'universalité, l'humanité éternelle, intimement mêlée à la peinture des mœurs ou des passions d'une époque. Génie facile, fort et fécond, leurs principaux traits sont dans ce mélange de fertilité, de fermeté et de franchise. C'est la science et la richesse du fond, une vraie indifférence sur l'emploi des moyens et des genres convenus, tout cadre, tout point de départ leur étant bon pour entrer en matière. C'est une production active, multipliée à travers les obstacles, et la plénitude de l'art fréquemment obtenue sans les appareils trop lents et les artifices. Dans le passé grec, après la grande figure d'Homère, qui ouvre glorieusement cette famille, et qui nous donne le génie primitif de la plus belle portion de l'humanité, on est embarrassé de savoir qui y rattacher encore. Sophocle, tout fécond qu'il semble avoir été, tout humain qu'il se montra dans l'expression harmonieuse des sentiments et des douleurs, Sophocle demeure si parfait de contour, si sacré, pour ainsi dire, de forme et d'attitude, qu'on ne peut guère le déplacer en tête de son piédestal purement grec. Les fameux comiques nous manquent. Il n'en a que le nom de Ménandre qui fut peut-être le plus parfait dans la famille des génies dont nous parlons, car chez Aristophane, la fantaisie merveilleuse, si athénienne, si charmante, nuit pourtant à l'universalité. À Rome, je ne vois à y ranger que Plaute, Plaute mal apprécié encore, peintre profond et divers, directeur de troupe, acteur et auteur, comme Shakespeare et comme Molière, dont il faut le compter pour un des plus légitimes ancêtres. Mais la littérature latine fut trop directement importée, trop artificielle dès l'abord et apprise des Grecs, pour admettre beaucoup de ces livres génies. Les plus féconds des grands écrivains de cette littérature en sont aussi les plus littérateurs et rimeurs dans l'âme, Ovide et Cicéron. Au reste, à elle l'honneur d'avoir produit les deux plus admirables poètes des littératures d'imitation, d'études et de goût, Cétype châtié et achevé, Virgile, Horace. C'est autant moderne et à la Renaissance qu'il faut demander les autres hommes que nous cherchons. Shakespeare, Cervantes, Rabelais, Molière, et 2 ou 3 depuis, adhérents inégaux, les voilà tous. On les peut caractériser par les ressemblances. Ces hommes ont des destinées diverses, traversées. Ils souffrent, ils combattent, ils aiment. Soldats, médecins, comédiens, captifs, ils ont peine à vivre. Ils subissent la misère, les passions, les tracas, la gêne des entreprises. Mais leur génie surmonte les liens, et sans se ressentir des étroitesses de la lutte, ils gardent le collier franc, les coudées franches. Vous avez vu de ces beautés vraies et naturelles qui éclatent et se font jour du milieu de la misère, de l'air malsain, de la vie chétive. Vous avez, bien que rarement, rencontré de ces admirables filles du peuple, qui vous apparaissent formées, éclairées, on ne sait d'où, avec une haute perfection de l'ensemble, et dont l'ongle même est élégant. Elles empêchent de périr l'idée de cette noble race humaine, image des dieux. Ainsi, ces génies rares, de grande et facile beauté, de beauté native et genuine, triomphent d'un air d'aisance des conditions les plus contraires. Ils se déploient, ils s'établissent invinciblement. Ils ne se déploient pas simplement au hasard et tout droit à la merci de la circonstance, parce qu'ils ne sont pas seulement féconds et faciles comme ces génies secondaires, les Ovide, les Dryden, les Abbé Prévost, non. Leurs œuvres, aussi promptes, aussi multipliées que celles des esprits principalement faciles, sont encore combinées, fortes, nouées quand il le faut, achevées maintes fois et sublimes. Mais aussi cet achèvement n'est jamais pour eux le souci quelquefois excessif, la prudence constamment châtiée des poètes de l'école studieuse et polie, des Grès, des Popes, des Despréaux, de ces poètes que j'admire et que je goûte autant que personne, chez qui la correction scrupuleuse est, je le sais, une qualité indispensable, un charme, et qui paraissent avoir pour devise le mot exquis de Vauvenargues, la netteté et le vernis des maîtres. Il y a, dans la perfection même des autres poètes supérieurs, quelque chose de plus libre et hardi, de plus irrégulièrement trouvé, d'incomparablement plus fertile et plus dégagé des entraves ingénieuses, quelque chose qui va de soi seul et qui se joue, qui étonne, et déconcerte par sa ressource inventive les poètes distingués d'entre les contemporains, jusque sur les moindres détails du métier. C'est ainsi que, parmi tant de naturels motifs d'étonnement, Boileau ne peut s'empêcher de demander à Molière où il trouve la rime. À les bien prendre, les excellents génies dont il est question tiennent le milieu entre la poésie des époques primitives et celle des siècles cultivés, civilisés, entre les époques homériques et les époques alexandrines. Ils sont les représentants glorieux, immenses encore, les continuateurs distincts et individuels des premières époques au sein des secondes. Il est en toute chose une première fleur, une première et large moisson. Ses heureux mortels y portent la main et couchent à terre en une fois des milliers de gerbes. Après eux, autour d'eux, les autres s'évertuent, épient et glanent. Ces génies abondants, qui ne sont pourtant pas les plus divins vieillards et les aveugles fabuleux, lisent, comparent, imitent, comme tous ceux de leur âge. Cela ne les empêche pas de créer, comme aux âges naissants. Ils font se succéder, en chaque journée de leur vie, des productions inégales sans doute, mais dont quelques-unes sont le chef-d'œuvre de la combinaison humaine et de l'art. Ils savent l'art déjà, ils l'embrassent dans sa maturité et son étendue, et cela sans en raisonner comme on le fait autour d'eux. Ils le pratiquent nuit et jour avec une admirable absence de toute préoccupation et fatuité littéraire. Souvent ils meurent, un peu comme aux époques primitives, avant que leurs œuvres soient toutes imprimées, ou du moins recueillies et fixées, à la différence de leurs contemporains, les poètes et littérateurs de cabinet, qui vaquent à ce soin de bonheur. Mais telle est, à eux, leur négligence et leur prodigalité d'eux-mêmes. Ils ont un entier abandon surtout au bon sens général, aux décisions de la multitude, dont ils savent d'ailleurs les hasards autant que quiconque parmi les poètes dédaigneux du vulgaire. En un mot, ces grands individus me paraissent tenir au génie même de la poétique humanité et en être la tradition vivante perpétuée, la personnification irrécusable. Molière est un de ces illustres témoins. Bien qu'il n'ait pleinement embrassé que le côté comique, les discordances de l'homme, vice, laideur ou travers, et que le côté pathétique n'ait été qu'à peine entamé par lui et comme un rapide accessoire, il ne le cède à personne parmi les plus complets, tant il a excellé dans son genre, et est allé en tous sens depuis la plus libre fantaisie jusqu'à l'observation la plus grave, tant il a occupé en roi toutes les régions du monde qu'il s'est choisi, et qui est la moitié de l'homme, la moitié la plus fréquente et la plus activement en jeu dans la société. Molière est du siècle où il a vécu, par la peinture de certains travers particuliers et dans l'emploi des costumes. Mais il est plutôt encore de tous les temps. Il est l'homme de la nature humaine. Rien ne vaut mieux, pour se donner dès l'abord la mesure de son génie, que de voir avec quelle facilité il se rattache à son siècle et comment il s'en détache aussi. Combien il s'y adapte exactement et combien il en ressort avec grandeur. Les hommes illustres, ses contemporains, Despréaux, Racine, Bossuet, Pascal, sont bien plus spécialement les hommes de leur temps, du siècle de Louis XIV, que Molière. Leur génie, je parle même des plus vastes, est marqué à un coin particulier qui tient du moment où ils sont venus et qui eût été probablement bien autre en d'autres temps. Que serait Bossuet aujourd'hui? Qu'écrirait Pascal? Racine et Despréaux accompagnent à merveille le règne de Louis XIV dans sa partie jeune, brillante, galante, victorieuse ou sensée. Bossuet domine ce règne à l'apogée, avant la bigoterie extrême, et dans la période déjà hautement religieuse. Molière, qu'aurait opprimé, je le crois, cette autorité religieuse de plus en plus dominante, et qui mourut à propos pour y échapper, Molière, qui appartient comme Boileau et Racine, bien que plus âgé qu'eux, à la première époque, en est pourtant beaucoup plus indépendant, en même temps qu'il l'a peinte au naturel plus que personne. Il ajoute à l'éclat de cette forme majestueuse du grand siècle. Il n'en est ni marqué, ni particularisé, ni rétréci. Il s'y proportionne, il ne s'y enferme pas. Le XVIe siècle avait été dans son ensemble une vaste décomposition de l'ancienne société religieuse, catholique, féodale, l'avènement de la philosophie dans les esprits et de la bourgeoisie dans la société. Mais cet avènement s'était fait à travers tous les désordres, à travers l'orgie des intelligences et l'anarchie matérielle la plus sanglante, principalement en France, moyennant Rabelais et la Ligue. Le XVIIe siècle eut pour mission de réparer ce désordre, de réorganiser la société, la religion, la résistance. À partir d'Henri IV, il s'annonce ainsi, et dans sa plus haute expression monarchique, dans Louis XIV. Il couronne son but avec pompe. Nous n'essaierons pas ici d'énumérer tout ce qui se fit, dès le commencement du XVIIe siècle, de tentatives sévères au sein de la religion, par des communautés, des congrégations fondées, des réformes d'abbayes, et au sein de l'université de la Sorbonne, pour rallier la milice de Jésus-Christ, pour reconstituer la doctrine. En littérature, cela se voit, et se traduit évidemment. À la littérature gauloise, griboise et irrévérente des Marot, des Bonaventure, des Périer, Rabelais, Régnier, etc. À la littérature païenne, grecque, épicurienne de Ronsard, Baïf, Jodel, etc. Philosophes et sceptiques de Montaigne et de Charon. En succède une qui offre des caractères bien différents et opposés. Malherbe, homme de forme, de style, esprit caustique, cynique même, comme M. de Buffon l'était dans l'intervalle de ses nobles phrases, Malherbe, esprit fort au fond, n'a de chrétien dans ses odes que les dehors. Mais le génie de Corneille, du père de Polyeucte et de Pauline, est déjà profondément chrétien. D'Urfé l'est aussi. Balzac, bel esprit vain et fastueux, savant rhéteur occupé des mots, a la forme et les idées toutes rattachées à l'orthodoxie. L'école de Port-Royal se fonde, l'antagoniste du doute et de Montaigne, Pascal, apparaît. La détestable école poétique de Louis XIII, Boisrobert, Ménage, Costard, Conrart, D'Assoucy, Saint-Amand, etc., ne rentre pas sans doute dans cette voie de réforme. Elle est peu grave, peu morale, à l'italienne, et comme une répétition affadie de la littérature des Valois. Mais tout ce qui l'étouffe et lui succède sous Louis XIV se range par degrés à la fois à la régularité, des Préaux, Racine, Bossuet. La Fontaine lui-même, au milieu de sa bonhomie et de ses fragilités, et tout du XVIe siècle qu'il est, a des accès de religion lorsqu'il écrit la captivité de Saint-Mal, l'épître à Madame de la Sablière, et qu'il finit par la pénitence. En un mot, plus on avance dans le siècle de Louis XIV et plus la littérature, la poésie, la chair, le théâtre, toutes les facultés mémorables de la pensée, revêtent un caractère religieux, chrétien, plus elles accusent, même dans les sentiments généraux qu'elles expriment, ce retour de croyance à la révélation, à l'humanité vue dans et par Jésus-Christ. C'est là un des traits les plus caractéristiques et profonds de cette littérature immortelle. Le XVIIe siècle en masse fait digue entre le XVIe et le XVIIIe qu'il sépare. Mais Molière, nous le disons sans emporter ici éloge ni blâme morale, et comme simple preuve de la liberté de son génie, Molière ne rentre pas dans ce point de vue. Bien que sa figure et son œuvre apparaissent et ressortent plus qu'aucune dans ce cadre admirable du siècle de Louis le Grand, il s'étend et se prolonge au dehors, en arrière, au-delà. Il appartient à une pensée plus calme, plus vaste, plus indifférente, plus universelle. L'élève de Gassendi, l'ami de Bernier, de Chapelle et de Hainaut, se rattache assez directement au XVIe siècle philosophique, littéraire. Il n'avait aucune antipathie contre ce siècle et ce qui en restait. Il n'entrait dans aucune réaction religieuse ou littéraire, ainsi que firent Pascal et Bossuet, Racine et Boileau à leur manière, et les trois quarts du siècle de Louis XIV. Il est, lui, de la postérité continue de Rabelais, de Montaigne, Larivet, Régnier, des auteurs de la satire Ménippée. Il n'a ou n'aurait nul effort à faire pour s'entendre avec Lamothe Levaillère, Naudet ou Guy Patin même, tout docteur en médecine qu'est ce mordant personnage. Molière est naturellement du monde de Ninon, de Madame de la Sablière avant sa conversion. Il reçoit Auteuil des barreaux et nombre de jeunes seigneurs un peu libertins. Je ne veux pas dire du tout que Molière, dans son œuvre ou dans sa pensée, fût un esprit fort décidé, qu'il eût un système là-dessus, que, malgré sa traduction de Lucrèce, son gassendisme originel et ses libres liaisons, il n'eut pas un fond de religion modérée, sensée, d'accord avec la coutume du temps, qui reparaît à sa dernière heure, qui éclate avec tant de solidité dans le morceau de Cléante du Tartuffe, non. Molière, le sage, l'artiste pour les bienséances, l'ennemi de tous les excès de l'esprit et des ridicules, le père de ce Philinte qu'eussent reconnu Lélius, Érasme et Atticus, ne devait rien avoir de cette forfanterie libertine et cynique des Saint-Amand, Boisrobert et des barreaux. Il était de bonne foi, quand il s'indignait des insinuations malignes qu'à partir de l'école des femmes, ses ennemis allaient répandant sur sa religion. Mais ce que je veux établir, et ce qui le caractérise entre ses contemporains de génie, c'est qu'habituellement il a vu la nature humaine en elle-même, dans sa généralité de tous les temps, comme Boileau, comme la Bruyère l'ont vu et peinte souvent, je le sais, mais sans mélange, lui, d'épîtres sur l'amour de Dieu, comme Boileau, ou de discussions sur le quiétisme comme la Bruyère. Il peint l'humanité comme s'il n'y avait pas eu de venue, et cela lui était plus possible, il faut le dire, la peignant surtout dans ses vices et ses laideurs. Dans le tragique, on élude moins aisément le christianisme. Il sépare l'humanité d'avec Jésus-Christ, ou plutôt, il nous montre à fond l'une sans trop songer à rien d'autre, et il se détache par là de son siècle. C'est lui qui, dans la scène du pauvre, a pu faire dire à Don Juan, sans penser à mal, ce mot qu'il lui fallut retirer tant il souleva d'orage. « Tu passes ta vie à prier Dieu et tu meurs de faim. Prends cet argent, je te le donne pour l'amour de l'humanité. » La bienfaisance et la philanthropie du XVIIIe siècle, celle d'Alembert, de Diderot, de D'Holbach, se retrouvent tout entière dans ce mot-là. C'est lui qui a pu dire du pauvre qui lui rapportait le louis d'or, cet autre mot si souvent cité mais si peu compris, ce me semble, dans son acception la plus grave, ce mot échappé à une habitude d'esprit invinciblement philosophique. Où la vertu va-t-elle se nicher ? Jamais homme de Port-Royal ou du voisinage, qu'on le remarque bien, n'aurait eu pareille pensée, et c'eût été plutôt le contraire qui eût paru naturel, le pauvre étant aux yeux du chrétien l'objet de grâce et de vertu singulière. C'est lui aussi qui, causant avec Chapelle de la philosophie de Gassendi, leur maître commun, disait, tout en combattant la partie théorique et la chimère des atomes, « Passe encore pour la morale ». Molière était donc tout simplement, selon moi, de la religion. Je ne veux pas dire de Don Juan ou d'Épicure, mais de Crémès dans Terence. Homo sum. On lui appliquait en un sens sérieux ce mot de Tartuffe. Un homme enfin. Cet homme savait les faiblesses et ne s'en étonnait pas. Il pratiquait le bien plus qu'il n'y croyait. Il comptait sur les vices et sa plus ardente indignation tournait au rire. Il considérait volontiers cette triste humanité comme une vieille enfant et une incurable, qu'il s'agit de redresser un peu, de soulager surtout en l'amusant. Aujourd'hui que nous jugeons les choses à distance et par les résultats dégagés, Molière nous semble beaucoup plus radicalement agressif contre la société de son temps qu'il ne crut l'être. C'est un écueil dont nous devons nous garder en le jugeant. Parmi ces illustres contemporains que je citais tout à l'heure, il en est un seul, celui qu'on serait le moins tenté de rapprocher de notre poète et qui pourtant, comme lui, plus que lui, mit en question les principaux fondements de la société d'alors et qui envisagea sans préjuger aucun la naissance, la qualité, la propriété. Mais Pascal, car ce fut l'audacieux, ne se servit de ce peu de fondements, ou plutôt de cette ruine qu'il faisait de toutes les choses d'alentour, que pour s'attacher avec plus d'effroi à la colonne du temple, pour embrasser convulsivement la croix. Tous les deux, Pascal et Molière, nous apparaissent aujourd'hui comme les plus formidables témoins de la société de leur temps. Molière, dans un espace immense et jusqu'au pied de l'enceinte religieuse, battant, fourrageant de toutes parts avec sa troupe le chant de la vieille société, livrant pêle-mêle au rire la fatuité titrée, l'inégalité conjugale, l'hypocrisie captieuse, et allant souvent effrayer du même coup la grave subordination, la vraie piété et le mariage. Pascal, lui, à l'intérieur et au cœur de l'orthodoxie, faisant trembler aussi à sa manière la voûte de l'édifice par les cris d'angoisse qu'il pousse et par la force de Samson avec laquelle il en embrasse le sacré pilier. Mais en accueillant ce rapprochement, qui a sa nouveauté et sa justesse, il ne faudrait pas prêter à Molière, je le crois, plus de préméditation de renversement qu'à Pascal. Il faut même lui accorder peut-être un moindre calcul de l'ensemble de la question. Plaute avait-il une arrière-pensée systématique quand il se jouait de l'usure, de la prostitution, de l'esclavage, ses vices et ses ressorts de l'ancienne société? Le moment où vint Molière servit tout à fait cette liberté qui lui est qu'il se donna. Louis XIV, jeune encore, le soutint dans ses tentatives hardies ou familières et le protégea contre tous. En retraçant le Tartuffe, et dans la tirade Don Juan sur l'hypocrisie qui s'avance, Molière présageait déjà de son coup d'œil divinateur la triste fin d'un si beau règne, et il se hâtait, quand c'était possible à grand-peine et que ce pouvait être utile, d'en dénoncer du doigt le vice croissant. S'il avait vécu assez pour arriver vers 1685, au règne déclaré de Madame de Maintenon, ou même, s'il avait seulement vécu, de 1673 à 1685, durant cette période glorieuse où domine l'ascendant de Bossuet, il eût été sans doute moins efficacement protégé. Il eût été persécuté à la fin. Quoi qu'il en soit, on doit comprendre à merveille, d'après cet esprit général, libre, naturel, philosophique, indifférent au moins à ce qu'ils essayaient de restaurer, la colère des oracles religieux d'alors contre Molière, la sévérité cruelle d'expression avec laquelle Bossuet se raille et triomphe du comédien mort en riant, et cette indignation même du sage Bourdaloue en chair après le Tartuffe, de Bourdaloue, tout ami de Boileau qu'il était. On conçoit jusqu'à cet effroi naïf du janséniste Bayet qui, dans ses jugements des savants, commence en ces termes l'article sur Molière. Monsieur de Molière est un des plus dangereux ennemis que le siècle le monde ait suscité à l'Église de Jésus-Christ, etc. Il est vrai que des religieux plus aimables, plus mondains, se montraient pour lui moins sévères. Le père Rapin louait au long Molière dans ses réflexions sur la poétique et ne le chicanait que sur la négligence de ses dénouements. Bourg lui fit une épitaphe en vers français agréable et judicieux. Molière, au reste, est tellement homme dans le libre sens qu'il obtint plus tard les anathèmes de la philosophie altière et prétendue réformatrice, autant qu'il avait mérité ceux de l'épiscopat dominateur. Sur quatre chefs différents à propos de l'avare, du misanthrope, de Georges Dandin et du bourgeois gentilhomme, Jean-Jacques n'entend pas raillerie et ne l'épargne guère plus que n'avait fait Bossuet. Tout ceci est pour dire que, comme Shakespeare et Cervantes, comme trois ou quatre génies supérieurs dans la suite des âges, Molière est peintre de la nature humaine au fond, sans acception ni préoccupation de culte, de dogme fixe, d'interprétation formelle. Qu'en s'attaquant à la société de son temps, il a représenté la vie qui est partout celle du grand nombre, et qu'au sein de mœurs déterminées qu'il châtiait au vif, il s'est trouvé avoir écrit pour tous les hommes. Jean-Baptiste Poquelin naquit à Paris le 15 janvier 1622, non pas, comme on l'a cru longtemps, sous les piliers des Halles, mais, d'après la découverte qu'en a faite M. Beffara, dans une maison de la rue Saint-Honoré au coin de la rue des Vieilles Étuves. Il était, par sa mère et par son père, d'une famille de tapissiers. Son père, qui, outre son état, avait la charge de valet de chambre tapissier du roi, destinait son fils à lui succéder, et le jeune Poquelin, mis de bonne heure en apprentissage dans la boutique, ne savait guère à 14 ans que lire, écrire, compter, enfin les éléments utiles à sa profession. Son grand-père maternel, pourtant, qui aimait fort la comédie, le menait quelquefois à l'hôtel de Bourgogne, où jouait Belle-Rose dans le haut comique, Gautier Gargui, Gros Guillaume et Turlupin dans la farce. Chaque fois qu'il revenait de la comédie, le jeune Poquelin était plus triste, plus distrait du travail de la boutique, plus dégoûté de la perspective de sa profession. Qu'on se figure ces matinées rêveuses d'un lendemain de comédie, pour le génie adolescent devant qui, dans la nouveauté de l'apparition, la vie humaine se déroulait déjà comme une scène perpétuelle. Il s'en ouvrit enfin à son père et, appuyé de son aïeul qui le gâtait, il obtint de faire des études. On le mit dans une pension, à ce qu'il paraît, d'où il suivit comme externe le collège de Clermont, depuis de Louis le Grand, dirigé par les jésuites. 5 ans lui suffirent pour achever tout le cours de ses études, y compris la philosophie. Il fit de plus au collège d'utiles connaissances et qui influèrent sur sa destinée. Le prince de Conti, frère du grand Condé, fut un de ses condisciples et s'en ressouvint toujours dans la suite. Ce prince, bien qu'ecclésiastique d'abord et tant qu'il resta sous la conduite des jésuites, aimait les spectacles et les défrayait magnifiquement. En se convertissant plus tard du côté des jansénistes et en rétractant ses premiers goûts au point d'écrire contre la comédie, il sembla transmettre du moins à son illustre aîné le soin de protéger jusqu'au bout Molière. Chapelle devint aussi l'ami d'études de Poquelin et lui procura la connaissance et les leçons de Gassendi, son précepteur. Ces leçons privées de Gassendi étaient en outre entendues de Bernier, le futur voyageur, et de Hainaut, connu par son invocation à Vénus. Elles durent influer sur la façon de voir de Molière, moins par les détails de l'enseignement que par l'esprit qui en émanait et auquel participèrent tous les jeunes auditeurs. Il est à remarquer en effet combien furent libres d'humeur et indépendants tous ceux qui sortirent de cette école. Et Chapelle, le franc-parleur, l'épicurien pratique et relâché, et ce poète Hainaut qui attaquait Colbert puissant et traduisait à plaisir ce qu'il y a de plus hardi dans les cœurs des tragédies de Sénèque. Et Bernier qui courait le monde et revenait, sachant combien sous les costumes d'hiver l'homme est partout le même, répondant à Louis XIV, qui l'interrogeait sur le pays où la ville lui semblait meilleure, que c'était la Suisse, et déduisant sur tout point ses conclusions philosophiques en petit comité entre Mademoiselle de l'Enclos et Mademoiselle de la Sablière. Il est à remarquer aussi combien ces quatre ou cinq esprits étaient de pure bourgeoisie et du peuple. Chapelle, fils d'un riche magistrat, mais fils bâtard, Bernier, enfant pauvre, associé par charité à l'éducation de Chapelle, Hainaut, fils d'un boulanger de Paris, Poquelin, fils d'un tapissier, et Gassendi, leur maître, non pas un gentilhomme, comme on l'a dit de Descartes, mais fils de simples villageois. Molière prit dans ses conférences de Gassendi l'idée de traduire Lucrèce. Il le fit partie en vers et partie en prose, selon la nature des endroits. Mais le manuscrit s'en est perdu. Un autre compagnon qui s'immissa à ses leçons philosophiques fut Cyrano de Bergerac, devenu suspect à son tour d'impiété par quelques vers d'Agrippine, mais surtout convaincu de mauvais goût. Molière prit plus tard au pédant joué de Cyrano deux scènes qui ne départent certainement pas les fourberies de Scapin. C'était son habitude, disait-il à ce propos, de reprendre son bien partout où il le trouvait. Et puis, comme l'a remarqué spirituellement M. Auger, en agissant de la sorte avec son ancien camarade, il ne semblait guère que prolonger cette coutume de collège, par laquelle les écoliers sont faisants et mettent leurs gains de jeu en commun. Mais Molière, qui n'y allait jamais petitement, ne s'avisa pas de cette fine excuse. Au sortir de ses classes, Poquelin dut remplacer son père trop âgé dans la charge de valet de chambre tapissier du roi qu'on lui assura en survivance. Il suivit, pour son noviciat, Louis XIII dans le voyage de Narbonne en 1641, et fut témoin, au retour, de l'exécution de Cinq-Mars et de Deux-Tout, amère et sanglante dérision de la justice humaine. Il paraît que, dans les années qui suivirent, au lieu de continuer l'exercice de la charge paternelle, il alla étudier le droit à Orléans et s'y fit recevoir avocat. Mais son goût du théâtre l'emporta décidément, et revenu à Paris, après avoir hanté, dit-on, les tréteaux du Pont-Neuf, suivi de près les Italiens et Scaramouche, il se mit à la tête d'une troupe de comédiens de société qui devint bientôt une troupe régulière et de profession. Les deux frères Béjart, leur sœur Madeleine, du Parc, dit Gros René, faisaient partie de cette bande ambulante qui s'intitulait l'illustre théâtre. Notre poète rompit dès lors avec sa famille et les Poquelin. Il prit nom Molière. Molière courut avec sa troupe les divers quartiers de Paris, puis la province. On dit qu'il fit jouer à Bordeaux une Thébaïde, tentative du genre sérieux qui échoua. Mais il n'épargnait pas les farces, les canebats à l'italienne, les impromptus tels que le médecin volant et la jalousie du barbouillé, premier crayon du médecin malgré lui et de Georges Dandin, et qui ont été conservés, les docteurs Rivaux, le maître d'école, dont on n'a que les titres, le docteur amoureux, que Boileau daignait regretter. Il allait ainsi à l'aventure, bien reçu du duc d'Épernon à Bordeaux, du prince de Conti en chaque rencontre, loué de Dassoucy qu'il recevait et hébergé en prince à son tour, hospitalier, libéral, bon camarade, amoureux souvent, essayant toutes les passions, parcourant tous les étages, menant à bout ce train de jeunesse, comme une fronde joyeuse à travers la campagne, avec force provision, dans son esprit, d'originaux et de caractères. C'est dans le cours de cette vie errante qu'en 1653, à Lyon, il fit représenter L'Étourdi, sa première pièce régulière. Il avait 31 ans. Molière, on le voit, débuta par la pratique de la vie et des passions avant de les peindre. Mais il ne faudrait pas croire qu'il eut dans son existence intérieure de parts successives comme dans celle de beaucoup de moralistes et satiriques éminents. Une première part active et plus ou moins fervente, puis cette chaleur faiblissant par l'excès ou par l'âge, une observation âcre, mordante, désabusée enfin, qui revient sur les motifs, les scrute et les raille. Ce n'est pas là du tout le cas de Molière ni celui des grands hommes doués à cette mesure du génie qui crée. Les hommes distingués qui passent par cette double phase et arrivent promptement à la seconde n'y acquièrent en avançant qu'un talent critique fin et sagace, comme M. de La Rochefoucauld par exemple, mais pas de mouvement animateur ni de force de création. Le génie dramatique, et celui de Molière en particulier, a cela de merveilleux que le procédé en est tout différent et plus complexe. Au milieu des passions de sa jeunesse, des entraînements emportés et crédules comme ceux du commun des hommes, Molière avait déjà un haut degré le don d'observer et de reproduire, la faculté de sonder et de saisir des ressorts qu'il faisait jouer ensuite au grand amusement de tous. Et plus tard, au milieu de son entière et triste connaissance du cœur humain et des mobiles divers, du haut de sa mélancolie de contemplateur philosophe, il avait conservé dans son propre cœur, on le verra, la jeunesse des impressions actives, la faculté des passions, de l'amour et de ses jalousies, le foyer véritablement sacré. Contradiction sublime, et qu'on aime dans la vie du grand poète, assemblage indéfinissable qui répond à ce qu'il y a de plus mystérieux aussi dans le talent dramatique et comique, c'est-à-dire la peinture des réalités amères, moyennant des personnages animés, faciles, réjouissants, qui ont tous les caractères de la nature. La dissection du cœur la plus profonde, se transformant en des êtres actifs et originaux, qui la traduisent aux yeux en étant simplement eux-mêmes. On rapporte que pendant son séjour à Lyon, Molière, qui s'était déjà lié assez tendrement avec Madeleine Béjart, s'est pris de Mademoiselle Duparc, ou de celle qui devint Mademoiselle Duparc en épousant le comédien de ce nom, et de Mademoiselle de Brie, qui toutes deux faisaient partie d'une autre troupe que la sienne. Il parvint, malgré la Béjart, dit-on, à engager dans sa troupe les deux comédiennes, et l'on ajoute que, rebuté de la superbe Duparc, il trouva dans Mademoiselle de Brie des consolations auxquelles il devait revenir encore durant les tribulations de son mariage. On est allé jusqu'à indiquer dans la scène de Clitandre, Armande et Henriette, au premier acte des Femmes savantes, une réminiscence de cette situation antérieure de 20 années à la comédie. Nul doute qu'entre Molière, fort enclin à l'amour, et les jeunes comédiennes qu'il dirigeait, il ne se soit formé des nœuds mobiles, croisés, parfois interrompus et repris. Mais il serait téméraire, je le crois, d'en vouloir retrouver aucune trace précise dans ses œuvres. Et ce qui a été mis en avant sur cette allusion, pour laquelle on oublie les 20 années d'intervalle, ne me semble pas justifié. On conserve à Pézenas un fauteuil dans lequel, dit-on, Molière venait s'installer tous les samedis chez un barbier fort achalandé pour y faire la recette et y étudier à ce propos les discours et la physionomie d'un chacun. On se rappelle que Machiavel, grand poète comique aussi, ne dédaignait pas la conversation des bouchers, boulangers et autres. Mais Molière avait probablement, dans ses longues séances chez le barbier chirurgien, une intention plus directement applicable à son art que l'ancien secrétaire florentin, lequel cherchait surtout, il le dit, à narguer la fortune et à tromper l'ennui de la disgrâce. Cette disposition de Molière à observer durant des heures et à se tenir en silence s'accrut avec l'âge, avec l'expérience et les chagrins de la vie. Elle frappait singulièrement Boileau, qui appelait son ami le contemplateur. « Vous connaissez l'homme, » dit Élise dans la critique de l'École des femmes, « et sa paresse naturelle à soutenir la conversation. » Célimène l'avait invité à souper comme bel esprit, et jamais il ne parut si sot parmi une demi-douzaine de gens à qui elle avait fait fête de lui. Il les trompa fort par son silence. L'un des ennemis de Molière, de Villiers, en sa comédie de Zélinde, représente un marchand de dentelles de la rue Saint-Denis, Argimont, qui entretient dans la chambre haute de son magasin une dame de qualité, Oriane. On vient dire qu'Elomire, anagramme de Molière, est dans la chambre d'en bas. Oriane désirait qu'il montât afin de le voir, et le marchand descend, comptant bien ramener en haut le nouveau chaland sous prétexte de quelques dentelles. Mais il revient bientôt seul, « Madame, dit-il à Oriane, je suis au désespoir de n'avoir pu vous satisfaire. Depuis que je suis descendu, Elomir n'a pas dit une seule parole. Je l'ai trouvé appuyé sur ma boutique dans la posture d'un homme qui rêve. Il avait les yeux collés sur trois ou quatre personnes de qualité qui marchandaient des dentelles. Il paraissait attentif à leur discours et il semblait, par le mouvement de ses yeux, qu'il regardait jusqu'au fond de leurs âmes pour y voir ce qu'elles ne disaient pas. Je crois même qu'il avait des tablettes et qu'à la faveur de son manteau il a écrit, sans être aperçu, ce qu'elles ont dit de plus remarquable. » Et sur ce que répond Oriane, qu'Elomir avait peut-être même un crayon et dessinait leurs grimaces pour les faire représenter au naturel dans le jeu du théâtre, le marchand reprend « S'il ne les a pas dessinées sur ses tablettes, je ne doute point qu'il ne les ait imprimées dans son imagination. C'est un dangereux personnage. Il y en a qui ne vont point sans leurs mains, mais on peut dire de lui qu'il ne va point sans ses yeux ni sans ses oreilles. » Il est aisé, à travers l'exagération du portrait, d'apercevoir la ressemblance. Molière fut une fois vu durant plusieurs heures, assis à bord du coach de serre, à attendre le départ. Il observait ce qui se passait autour de lui, mais son observation était si sérieuse en face des objets qu'elle ressemblait à l'abstraction du géomètre, à la rêverie du fabuliste. Le prince de Conti, qui n'était pas janséniste encore, avait fait jouer plusieurs fois Molière et la troupe de l'illustre théâtre en son hôtel à Paris. Étant en Languedoc à tenir les états, il manda son ancien condisciple, qui vint de Pézenas et de Narbonne à Béziers ou à Montpellier, près du prince. Le poète fit œuvre de son répertoire le plus varié, de ses canevas à l'italienne, de l'étourdi, sa dernière pièce, et il y ajouta la charmante comédie du dépit amoureux. Le prince, enchanté, voulut se l'attacher comme secrétaire et le faire succéder au poète sarrasin qui venait de mourir. Molière refusa par attachement pour sa troupe, par amour de son métier et de la vie indépendante. Après quelques années encore de course dans le Midi, où on le voit se lier d'amitié avec le peintre Mignard à Avignon, Molière se rapprocha de la capitale et séjourna à Rouen, d'où il obtint, non pas comme on l'a conjecturé, par la protection du prince de Conti, devenu pénitent sous l'évêque d'Alais dès 1655, mais par celle de Monsieur, duc d'Orléans, de venir jouer à Paris sous les yeux du roi. Ce fut le 24 octobre 1658, dans la salle des gardes au Vieux Louvre, en présence de la cour et aussi des comédiens de l'hôtel de Bourgogne, périlleux auditoire, que Molière et sa troupe se hasardèrent à représenter Nicomède. Cette tragicomédie, achevée avec applaudissements, Molière, qui aimait à parler comme orateur de la troupe, et qui, en cette occasion décisive, ne pouvait céder ce rôle à nul autre, s'avança vers la rampe, et après avoir remercié Sa Majesté en des termes très modestes de la bonté qu'elle avait eue d'excuser ses défauts et ceux de sa troupe, qui n'avait paru qu'en tremblant devant une assemblée si auguste, il lui dit que l'envie qu'ils avaient eue d'avoir l'honneur de divertir le plus grand roi du monde leur avait fait oublier que Sa Majesté avait à son service d'excellents originaux, dont ils n'étaient que de très faibles copies, mais que, puisqu'elle avait bien voulu souffrir leur manière de campagne, il la suppliait très humblement d'avoir agréable qui lui donna un de ces petits divertissements qui lui avaient acquis quelque réputation et dont il régalait les provinces. Ce fut le docteur amoureux qu'il choisit. Le roi, satisfait du spectacle, permit à la troupe de Molière de s'établir à Paris sous le titre de troupe de monsieur et de jouer alternativement avec les comédiens italiens sur le théâtre du Petit Bourbon. Lorsqu'on commença de bâtir, en 1660, la colonnade du Louvre à l'emplacement même du Petit Bourbon, la troupe de monsieur passa au théâtre du Palais-Royal. Elle devint troupe du roi en 1665 et, plus tard, à la mort de Molière, réunie à la troupe du Marais d'abord, et 7 ans après, en 1680, à celle de l'hôtel de Bourgogne, elle forma le Théâtre français. Dès l'installation de Molière et de sa troupe, l'étourdi et le dépit amoureux se donnèrent pour la première fois à Paris et n'y réussirent pas moins qu'en province. Bien que la première de ces pièces ne soit encore qu'une comédie d'intrigue, tout imitée des imbroglios italiens, quelle verve déjà, quelle chaude pétulance, quelle activité folle et saisissante d'imaginative dans ce Mascari que le théâtre n'avait pas jusqu'ici entendu nommer. Sans doute Mascari, tel qu'il apparaît d'abord, n'est guère qu'un fils naturel direct des ballets de la farce italienne et de l'antique comédie, de l'esclave de l'épidique, du chrysal des Bacchides, de ses valets d'or, comme il se nomme, du valet de Marot. C'est un fils de Villon, nourri aussi aux Repufranches, un d'Émile de cette lignée antérieure à Figaro. Mais dans les précieuses, il va bientôt se particulariser. Il va devenir le Mascari Marquis, un valet tout moderne et qui n'est qu'à la livrée de Molière. Le dépit amoureux, à travers l'invraisemblance et le convenu banal des déguisements et des reconnaissances, offre dans la scène de Lucile et d'Eraste une situation de cœur éternellement renouvelée, éternellement jeune, depuis le dialogue d'Horace et de Lydie, situation que Molière a reprise lui-même dans le Tartuffe et dans le Bourgeois gentilhomme, avec bonheur toujours, mais sans surpasser l'excellence de cette première peinture. Celle qui savait le plus fustiger et railler se montrait en même temps celui qui sait comment on aime. Les précieuses ridicules, jouées en 1659, attaquèrent les mœurs modernes au vif. Molière y laissait les canevas italiens et les traditions de théâtre pour y voir les choses avec ses yeux, pour y parler haut et ferme selon sa nature, contre le plus irritant ennemi de tout grand poète dramatique au début, le béguelisme bel esprit, et ce petit goût d'alcôve qui n'est que dégoût. Lui, l'homme au masque ouvert et à l'allure naturelle, il avait à déblayer avant tout la scène de ses mesquins embarras pour s'y déployer à l'aise et y établir son droit de franc-parler. On raconte qu'à la première représentation des précieuses, un vieillard du parterre, transporté de cette franchise nobelle, un vieillard qui sans doute avait applaudi 17 ans auparavant au menteur de Corneille, ne put s'empêcher de s'écrier, en apostrophant Molière qui jouait Mascari, « Courage, courage Molière, voilà la bonne comédie !» À ce cri, qu'il devinait bien être celui du vrai public et de la gloire, à cet universel et sonore applaudissement, Molière sentit, comme le dit Segret, s'enfler son courage, et laissa échapper ce mot de noble orgueil qui marque chez lui l'entrée de la grande carrière. « Je n'ai plus que faire d'étudier Plaute et Terence et d'éplucher les fragments de Méninde. Je n'ai qu'à étudier le monde. »« Oui, Molière, le monde s'ouvre à vous. Vous l'avez découvert et il est vôtre. » »« Vous n'avez désormais qu'à y choisir vos peintures. Si vous imitez encore, ce sera que vous le voudrez bien. Ce sera parce que vous prélèverez votre part là où vous la trouverez bonne à prendre. Ce sera en rival qui ne craint pas les rencontres, en roi puissant pour agrandir votre empire. » Tout ce qui sera emprunté par vous restera embelli et honoré. Après le sel, un peu gros mais franc, du cocu imaginaire, laissé pas les nobles de Don Garci, l'école des maris revient à cette large voie d'observation et de vérité dans la gaieté. Sganarel, que le cocu imaginaire nous avait montré pour la première fois, reparaît et se développe par l'école des maris. Sganarel va succéder à Mascari dans la faveur de Molière. Mascari était encore assez jeune et garçon. Sganarelle est essentiellement marié. Né probablement du théâtre italien, employé de bonne heure par Molière dans la farce du médecin volant, introduit sur le théâtre régulier en un rôle qui sent un peu son Scarron, il se naturalise comme a fait Mascari. Il se perfectionne vite et grandit sous la prédilection du maître. Le Sganarelle de Molière, dans toutes ses variétés de valet, de mari, de père de Lucinde, de frère d'Ariste, de tuteur, de fagotier, de médecin, est un personnage qui appartient au propre poète, comme Panurge à Rabelais, Falstaff à Shakespeare, Sancho à Cervantes. C'est le côté du lait humain personnifié, le côté vieux, rechigné, morose, intéressé, bas, peureux, tour à tour piètre ou charlatan, bourru et saugrenu, le vilain côté et qui fait rire. À certains moments joyeux, comme quand Sganarelle touche le sein de la nourrice, il se rapproche du rond Gorgibus, lequel ramène au bonhomme Chrysal, cet autre comique cordial et à plein ventre. Sganarelle, chétif comme son grand-père Panurge, a pourtant laissé quelques postérités dignes de tous deux, dans laquelle il convient de rappeler Pangloss et de ne pas oublier Gringoire. Chez Molière, en face de Sganarelle, au plus haut bout de la scène, Alceste apparaît. Alceste, c'est-à-dire ce qu'il y a de plus sérieux, de plus noble, de plus élevé dans le comique. Le point où le ridicule confine au courage, à la vertu. Une ligne plus haut et le comique cesse. Et on a un personnage purement généreux, presque héroïque et tragique. Mais tel qu'il est, avec un peu de mauvaise humeur, on a pu s'y méprendre. Jean-Jacques et Fabre d'Églantine, gens à contradiction, en ont fait leur homme. Sganarelle embrasse les trois quarts de l'échelle comique, le bas tout entier, et le milieu qu'il partage avec Gorgibus et Chrysale. Alceste tient l'autre part, le plus élevé. Sganarelle et Alceste, voilà tout Molière. Voltaire a dit que quand Molière n'aurait fait que l'école des Maris, il serait encore un excellent comique. Boileau ne put entendre l'école des femmes sans adresser à Molière, attaqué de beaucoup de côtés et qu'il ne connaissait pas encore, des stances faciles, où il célèbre la charmante naïveté de cette comédie qui l'égale à celle de Terence, supposée écrite par Scipion. Ces deux amusants chefs-d'œuvre ne furent séparés que par la légère mais ingénieuse comédie impromptue des Fâcheux, faite, apprise et représentée en 15 jours pour les fêtes de Vaux. La Fontaine en a dit, dans un éloge de ces fêtes, les dernières du malheureux Oronte. C'est une pièce de Molière. Cet écrivain, par sa manière, charme à présent toute la cour. Nous avons changé de méthode. Jodelet n'est plus à la mode, et maintenant il ne faut pas quitter la nature d'un pas. Jamais le libre et prompt talent de Molière pour les vers n'éclata plus évidemment que dans cette comédie satirique, dans les scènes du piquet ou de la chasse. La scène de la chasse ne se trouvait pas dans la pièce à la première représentation, mais Louis XIV, montrant du doigt à Molière M. de Soyaucourt, grand veneur, lui dit « Voilà un original que vous n'avez pas encore copié. » Le lendemain, la scène du chasseur était faite et exécutée. Boileau, dont cette pièce des Fâcheux devançait la manière en la surpassant, y songeait sans doute quand il demanda 3 ans plus tard à Molière où il trouvait la rime. C'est que Molière ne la cherchait pas. C'est qu'il ne faisait pas d'habitude son second vers avant le premier. Il n'attendait pas un demi-jour et plus pour trouver ensuite au coin d'un bois le mot qu'il avait fui. Il était de la veine rapide, prime sautière, de Régnier, de Daubigné, ne marchandant jamais la phrase ni le mot, au risque même d'un pli dans le vers, d'un tour un peu violent ou de liatus au pire. Un duc de Saint-Simon en poésie, une façon d'expression toujours en avant, toujours certaine, que chaque flot de pensée emplit et colore. M. Auger s'est attaché à relever comme faute tous les manques de repos à l'hémistiche chez Molière. Ces peines puériles, puisque notre poète ne suit pas là-dessus la loi de Boileau et des autres réguliers. Molière faisait si naturellement les vers que ses pièces en prose sont remplies de vers blancs. On l'a remarqué pour le festin de Pierre. Il en a été jusqu'à conjecturer que la petite pièce du Sicilien avait été primitivement ébauchée en vers et que Molière avait ensuite brouillé le tout dans une prose qui en avait gardé trace. Finlon, lorsqu'à propos de l'avare, il déclare préférer, comme aussi le pensait Ménage, les pièces en prose de Molière à celles qui sont en vers, lorsqu'il parle de cette multitude de métaphores qui, suivant lui, approche du Galimatia, Finlon, poète élégant en prose, n'entend rien, il faut le dire, à cette riche manière de poésie, qui n'est pas plus celle de Virgile et de Terence, qu'en peinture la manière de Rubens n'est celle de Raphaël. Boileau, tout artiste sobre qu'il était, et dans un autre procédé que Molière, lui rendait haute justice là-dessus. Il leur prenait sans doute quelquefois et aurait voulu épurer maints détails, comme on le voit, par exemple, en cette correction qui a été conservée de 2 vers des femmes savantes. Molière avait mis d'abord « Quand sur une personne on prétend s'ajuster, c'est par les beaux côtés qu'il la faut imiter. » Monsieur Despréaux, dit Cizon Ribal d'après Brossette, trouva du jargon dans ces 2 vers et les rétablit de cette façon « Quand sur une personne on prétend se régler, c'est par ses beaux endroits qu'il lui faut ressembler. » Mais jargon ou non, il était le premier à proclamer Molière maître dans l'art de frapper les bons vers, et il n'aurait pas admis le jugement par trop dégoûté de Fénelon. Rien d'étonnant en reste que cette fine et mystique nature de Fénelon, dans sa blanche robe de lin, dans sa simple tunique, un peu longue, un peu traînante, en fait de style, n'ait pas entendu ses admirables plis mouvants, étoffés, du manteau du grand comique. Ce qui est tubéreux, surtout la gaieté, répugne singulièrement aux natures délicates et rêveuses. En dépit de ces juges difficiles, comme satire dialoguée en vers, les Fâcheux sont un chef-d'œuvre. Durant les 14 années qui suivirent son installation à Paris, et jusqu'à l'heure de sa mort en 1673, Molière ne cessa de produire. pour le roi, pour la cour et les fêtes de commande, pour le plaisir du gros public et les intérêts de sa troupe, pour sa propre gloire et la sérieuse postérité, Molière se multiplie et suffit à tout. Rien de méticuleux en lui et qui sente l'auteur de cabinet. Vrai poète de drame, ses ouvrages sont en scène, en action. Il ne les écrit pas, pour ainsi dire, il les joue. Sa vie de comédien de province avait été un peu celle des poètes primitifs populaires, des rhapsodes, jongleurs ou pèlerins de la passion. Ils allaient, comme on sait, se répétant les uns les autres, se prenant leur canevas et leur thème, y ajoutant à l'occasion, s'oubliant eux et leur œuvre individuelle, et ne gardant guère copie de leur représentation. C'est ainsi que les ébauches et improvisades à l'italienne, que Molière avait multipliées, on a les titres d'une dizaine, durant ses courses en province, furent perdues, hors d'eux, le médecin volant et la jalousie du barbouillé. Et encore, telle qu'on a celle-ci, il est douteux que la version en soit de Molière. Suivant le procédé des poètes primitifs, qui font volontiers entrer un de leurs ouvrages dans un autre, ces ébauches furent plus tard introduites et employées dans des actes de pièces plus régulières. Les poètes dont nous parlons transposent, utilisent, si l'on peut se servir de ce mot, certains morceaux une fois faits. Ainsi, Don Garcia de Navarre, n'ayant pas eu de succès, des tirades entières ont passé de ce prince jaloux au misanthrope et ailleurs. L'étourdi et le dépit amoureux, première pièce régulière de notre poète, ne furent imprimés que 10 ans après leur apparition à la scène, 1653-1663. Les précieuses le furent dans les environs du succès, mais malgré l'auteur, comme l'indique la préface, et ce n'est pas ici une simagrée de douce violence, comme tant d'autres l'ont joué depuis. L'embarras de Molière qui se fait imprimer pour la première fois à son corps défendant est visible dans cette préface. Le Cocu imaginaire, ayant eu près de 50 représentations, ne devait pas être imprimé quand un amateur de comédie, nommé Neuville-Naine, s'aperçut qu'il avait retenu par cœur la pièce tout entière. Il en fit une copie et la publia en dédiant l'ouvrage à Molière. Ce monsieur de Neuville-Naine se connaissait en procédé. L'insouciance de Molière fut telle qu'il ne donna jamais d'autre édition du Cocu imaginaire, bien que Neuville-Naine avoue, ce qui serait assez vraisemblable quand il ne l'avouerait pas, qu'il peut s'être glissé dans sa copie, faite de mémoire, quantité de mots les uns pour les autres. Ô Racine, ô Boileau, qu'eussiez-vous dit si un tiers eût ainsi manié devant le public vos prudentes œuvres où chaque mot a son prix? On doit maintenant saisir toute la différence native qu'il y a de Molière à cette famille sobre, économe, méticuleuse et avec raison, des Despréaux et des La Bruyère. Dans l'édition de Neuville-Naine, qu'il faut bien considérer, par suite du silence de Molière comme l'édition originale, la pièce est d'un seul acte, quoique plus tard les éditeurs de 1734 l'aient donnée en 3. Mais il y a lieu de croire que pour Molière, comme pour les anciens tragiques et comiques, cette division d'actes est imaginée ici après coup et artificielle. Molière, dans ses premières pièces, ne s'astreint guère plus que plaute à cette division régulière. Il laisse fréquemment la scène vide, sans qu'on puisse supposer l'acte terminé en ces endroits. Il se rangea bien vite, il est vrai, à la régularité dès lors professée. Mais on voit, et c'est sur quoi j'insiste, combien il avait naturellement les habitudes de l'époque antérieure. Pour obvier à des larcins pareils à celui de Neuville-Naine, Molière dut songer à publier dorénavant lui-même ses pièces au fur et à mesure des succès. L'École des Maris, dédiée au duc d'Orléans, son protecteur, est le premier ouvrage qu'il ait publié de son plein gré. À partir de ce moment, 1661, il entra en communication suivie avec les lecteurs. On le retrouve pourtant en défiance continuelle de ce côté. Il craint les boutiques de la galerie du palais. Il préfère être jugé aux chandelles, au point de vue de la scène, sur la décision de la multitude. On a cru, d'après un passage de la préface des Fâcheux, qu'il aurait eu dessein de faire imprimer ses remarques et presque sa poétique à l'occasion de ses pièces. Mais, à mieux entendre le passage, il en ressort que cette promesse, mal d'accord avec sa tournure de génie, n'est pas sérieuse en effet, ce serait plutôt de sa part une raillerie contre les grands raisonneurs, selon Horace et Aristote. Sa poétique du reste, comme acteur et comme auteur, se trouve tout entière dans la critique de l'École des femmes et dans l'impromptu de Versailles. Il y est en action, en comédie encore. À la scène 7 de la critique, n'est-ce pas Molière qui nous dit par la bouche de Dorante « Vous êtes de plaisantes gens avec vos règles dont vous embarrassez les ignorants et nous étourdissez tous les jours. Il semble, à vous ouïr parler, que ces règles de l'art soient les plus grands mystères du monde, et cependant ce ne sont que quelques observations aisées que le bon sens a faites sur ce qui peut ôter le plaisir que l'on prend à ces sortes de poèmes. Et le même bon sens, qui a fait autrefois ces observations, les fait aisément tous les jours sans le secours d'Horace et d'Aristote. Laissons-nous aller de bonne foi aux choses qui nous prennent par les entrailles, et ne cherchons point de raisonnement pour nous empêcher d'avoir du plaisir. » Pour en finir avec cette négligence de littérateur que nous démontrons chez Molière, et qui contraste si fort avec son ardente prodigalité comme poète et son zèle minutieux comme acteur et directeur, ajoutons qu'aucune édition complète de ses œuvres ne parut de son vivant. Ce fut Lagrange, son camarade de troupe, qui recueillit et publia le tout en 1682, 9 ans après sa mort. Molière, le plus créateur et le plus inventif des génies, est celui peut-être qui est le plus imité, et de partout. C'est encore là un trait qu'ont en commun les poètes primitifs populaires et les illustres dramatiques qui les continuent. Boileau, Racine, André Chénier, les grands poètes d'étude et de goût, imitent sans doute aussi, mais leur procédé d'imitation est beaucoup plus ingénieux, circonspect et déguisé, et porte principalement sur les détails. La façon de Molière en ses imitations est bien plus familière, plus à pleine main et à la merci de la mémoire. Ses ennemis lui reprochaient de voler la moitié de ses œuvres aux vieux bouquins. Il vécut d'abord, dans sa première manière, sur la farce traditionnelle italienne et gauloise. À partir des Précieuses et de l'École des Maris, il devint lui-même. Il gouverna et domina dès lors ses imitations, et sans les modérer pour cela beaucoup, il les mêla constamment à un fond d'observation original. Le fleuve continua de charrier du bois de tous bords, mais dans un courant de plus en plus étendu et puissant. Riccoboni a donné une liste assez complète et parfois même gonflée des imitations que Molière a faites des Italiens, des Espagnols et des Latins. Caillaba et d'autres y ont ajouté. Riccoboni a eu le bon esprit de sentir que le génie de Molière ne souffrait pas de ses nombreux butins. Au contraire, l'admiration du commentateur pour son poète va presque en raison du nombre des imitations qu'il découvre en lui. Et elle n'a plus de bornes lorsqu'il le voit, dans l'avare, mener, à ce qu'il dit, jusqu'à 5 imitations de front, et être là-dessous, et à travers cette mêlée de souvenirs, plus originale que jamais. Tous les Italiens n'ont pas eu si bonne grâce, et le sieur Angelo, docteur de la comédie italienne, allait jusqu'à revendiquer le sujet du misanthrope qu'il avait, affirmait-il, raconté tout entière à Molière, d'après une certaine pièce de Naples, un jour qu'ils se promenaient ensemble au Palais Royal. C'est 15 jours après cette conversation mémorable que la comédie du misanthrope aurait été achevée et sur l'affiche. À de pareilles prétentions, appuyées de pareils dires, on n'a à opposer que le judicieux dédain de Jean-Baptiste Rousseau, qui, dans sa correspondance avec d'Olivet et Brossette, a d'ailleurs le mérite d'avoir fort bien apprécié Molière. La lettre du poète à M. Chauvelin sur le sujet qui nous occupe vaut mieux comme pensée que les 3/4 de ses odes. Ce qu'il faut reconnaître, c'est que les imitations chez Molière sont de toutes sources et infinies. Elles ont un caractère de loyauté en même temps que de sans-façon, quelque chose de cette première vie où tout était en commun. Bien aussi qu'ordinaire, elles soient parfaitement combinées et descendant quelquefois de purs détails. Plaute et Terence pour des fables entières, Straparole et Boccace pour des fonds de sujets, Rabelais et Régnier pour des caractères, Boisrobert et Rotrou et Cyrano pour des scènes, Horace et Montaigne et Balzac pour de simples phrases, tout y figure, mais tout s'y transforme, rien n'y est le même. Là où il imite le plus, qui donc pourrait se plaindre? À côté de Sosie qu'il copie, ne voilà-t-il pas Cléantis qu'il invente? De telles imitations, loin de nous refroidir envers notre poète, nous sont chères. Nous aimons à les rechercher, à les poursuivre jusqu'au bout, dans un intérêt de parenté. Ces masques fameux de la bonne comédie, depuis Plaute jusqu'à Patelin, ces malicieux conteurs de tout pays, ces philosophes satiriques et ingénieux, nous les convoquons un moment autour de notre auteur dans un groupe qui l'unit et où il préside. les moins considérables, les Boisrobert, les Sorel, les Cyrano, y sont même introduits à la faveur de ce qu'ils lui ont prêté, de ce qui surtout les recommande et les honore. Ces imitations, en un mot, ne sont le plus souvent pour nous que le résumé heureux de toute une famille d'esprits et de tout un passé comique dans un nouveau type original et supérieur, comme un enfant aimé du ciel qui, sous un air de jeunesse, exprime à la fois tous ses aïeux. Chacune des pièces de Molière, à les suivre dans l'ordre de leur apparition, fournirait matière à un historique étendu et intéressant. Ce travail a déjà été fait, et trop bien, par d'autres, pour le reprendre. Ce serait presque toujours le copier. Autour de l'École des femmes, en 1662, et plus tard autour du Tartuffe, il se livra des combats comme précédemment il s'en était livré autour du Cid, comme il s'en renouvela ensuite autour de Phèdre. Ce furent là d'illustres journées pour l'art dramatique. La critique de l'École des femmes et l'impromptu de Versailles en apprennent suffisamment sur le premier démêlé, qui fut surtout une querelle de goût et d'art, quoique déjà la religion s'y glissa à propos des commandements du mariage donné à Agnès. Les placés au roi et la préface du Tartuffe marquent assez le caractère tout moral et philosophique de la seconde lutte, si souvent depuis et si ardemment continuée. Ce que je veux rappeler ici, c'est qu'attaquer des dévots, envier des auteurs, rechercher des grands, valet de chambre du roi et son indispensable ressource pour toutes les fêtes, Molière, avec cela troublé de passion et de tracas domestiques, dévoré de jalousie conjugale, fréquemment malade de sa fluxion de poitrine et de sa toux, directeur de troupe et comédien infatigable, bien qu'au régime et au lait, Molière, durant 15 ans, suffit à tous les emplois, qu'à chaque nécessité survenante son génie est présent et répond, gardant de plus ses heures d'inspiration propre et d'initiative. Entre la dette précipitamment payée au divertissement de Versailles ou de Chambord et ses cordiales avances au bon rire de la bourgeoisie, Molière trouve jour à des œuvres méditées et entre toutes immortelles. Pour Louis XIV, son bienfaiteur et son appui, on le trouve toujours prêt. L'amour médecin est fait, appris et représenté en 5 jours. La princesse des Lides n'a que le premier acte en vers, le reste suit en prose, et comme le dit spirituellement un contemporain de Molière, la comédie n'a eu le temps cette fois que de chausser un brodequin. Mais elle paraît à l'heure sonnante, quoique l'autre brodequin ne soit pas lassé. Mais Lycerte seul n'est pas fini, mais les fâcheux le furent en 15 jours. Mais le mariage forcé et le Sicilien, mais Georges Dandin, mais Pourceaugnac, mais le bourgeois gentilhomme, ces comédies de verve avec intermède et ballet, ne firent jamais faute. Dans les intérêts de sa troupe, il lui fallut souvent dépêcher l'ouvrage, comme quand il fournit son théâtre d'un Don Juan, parce que les comédiens de l'hôtel de Bourgogne et ceux de Mademoiselle avaient déjà le leur, et que cette statue qui marche ne cessait de faire merveille. Et ses diversions ne l'empêchaient pas tout aussitôt de songer à Boileau, au juge difficile, à lui-même et au genre humain, par le misanthrope, par le Tartuffe et les femmes savantes. L'année du misanthrope est en ce sens la plus mémorable et la plus significative dans la vie de Molière. À peine hors de ce chef-d'œuvre sérieux et qui le parut un peu trop au gros du public, il dut pourvoir en hâte à la jovialité bourgeoise par le médecin malgré lui, et de là, de ce parterre de la rue Saint-Denis, raccourcir vite à Saint-Germain pour Mélisserte, la pastorale comique, et cette vallée de Tempé où l'attendait sur le pré M. de Binsarade. Molière faisait face à tous les appels. Dans une épître adressée en 1669 au peintre Mignard, sur le dôme du Val-de-Grâce, Molière a fait une description et un éloge de la fresque qui s'applique merveilleusement à sa propre manière. Il y préconise, en effet, « Cette belle peinture inconnue en ces lieux, la fresque dont la grâce à l'autre préférée se conserve un éclat d'éternelle durée, mais dont la promptitude et les brusques fiertés veulent un grand génie à toucher ses beautés. De l'autre, qu'on connaît la traitable méthode aux faiblesses d'un peintre aisément s'accommode. La paresse de l'huile, allant avec lenteur, du plus tardif génie attend la pesanteur. Elle sait secourir, par le temps qu'elle donne, les faux pas que peut faire un pinceau qui tâtonne. Et sur cette peinture on peut, pour faire mieux, revenir quand on veut avec de nouveaux yeux. mais la fresque est pressante et veut, sans complaisance, qu'un peintre s'accommode à son impatience, la traite à sa manière, et d'un travail soudain, saisisse le moment qu'elle donne à sa main. La sévère rigueur de ce moment qui passe, aux erreurs d'un pinceau, ne fait aucune grâce. Avec elle, il n'est point de retour à tenter, et tout au premier coup se doit exécuter, etc. À cette belle chaleur de Molière pour la fresque, pour la grande et dramatique peinture, pour celle-là même qui agit sur les masses prosternées dans les chapelles romaines, qui n'aimerait reconnaître la sympathie naturelle au poète du drame, au poète de la multitude, à l'exécuteur soudain, véhément, de tant d'œuvres impérieuses aussi, et pressantes. Dans les œuvres finies, au contraire, faites pour être vues de près, 20 fois remaniées et repolies, à la Mieris, à la Despréaux, à la Labruyère, nous retrouvons la paresse de l'huile. L'allusion est trop directe pour que Molière n'y ait pas un peu songé. Si son rival, d'ordinaire exact, a dit, d'après Brossette, « Au jugement de Despréaux, et autant que je puis me connaître en poésie, ce n'est pas son meilleur jugement, de tous les ouvrages de Molière, celui dont la versification est la plus régulière et la plus soutenue, c'est le poème qu'il a fait en faveur du fameux Mignard, son ami. Ce poème, disait-il à M. Brossette, peut tenir lieu d'un traité complet de peinture. Et l'auteur y fait entrer toutes les règles de cet art admirable. Et Despréaux citait les mêmes vers que nous avons donnés plus haut. Remarquez, monsieur, ajoutait Despréaux, que Molière a fait, sans y penser, le caractère de ses poésies, en marquant ici la différence de la peinture à l'huile et de la peinture à fresque. Dans ce poème sur la peinture, il a travaillé comme les peintres à l'huile, qui reprennent plusieurs fois le pinceau pour retoucher et corriger leur ouvrage, au lieu que dans ses comédies, où il fallait beaucoup d'action et de mouvement, il préférait les brusques fiertés de la fresque à la paresse de l'huile. Ce jugement de Boileau a été fort contesté depuis Cizeron Ribal. M. Auger le mentionne comme singulier. Vauvenargues, qui est de l'avis de Fénelon sur la poésie de Molière, trouve ce poème du Val-de-Grâce peu satisfaisant et préfère en général, comme peintre, la Bruyère au grand comique. Prédilection de critique moraliste pour le modèle du genre. Vous êtes peintre à l'huile, monsieur de Vauvenargues. Boileau, tout aussi intéressé qu'il était dans la question, se montre plus fermement judicieux. Non que j'admette que ce poème du Val-de-Grâce soit bon et satisfaisant d'un bout à l'autre, ou que Molière ait modifié, ralenti sa manière en le composant. La poésie en est plus chaude que nette. Elle tombe dans le technique et s'y embarrasse souvent en le voulant animer. Mais Boileau a bien mis le doigt sur le côté précieux du morceau. Boileau, reconnaissons-le, malgré ce qu'on a pu reprocher à ses réserves un peu fortes de l'art poétique, ou à son étonnement bien innocent et bien permis sur les rimes de Molière, fut souverainement équitable en tout ce qui concerne le poète son ami, celui qu'il appelait le contemplateur. Il le comprenait et l'admirait dans les parties les plus étrangères à lui-même. Il se plaisait à être son complice dans le latin macaronique de ses plus folles comédies. Il lui fournissait les malignes étymologies grecques de l'amour médecin. Il mesurait dans son entier cette faculté multipliée, immense. Et le jour où Louis XIV lui demanda quel était le plus rare des grands écrivains qui aurait honoré la France durant son règne, le juge rigoureux n'hésita pas et répondit « Sire, c'est Molière. » « Je ne le croyais pas, » répliqua Louis XIV, « mais vous vous y connaissez mieux que moi. » On a loué Molière de tant de façons comme peintre des mœurs et de la vie humaine que je veux indiquer surtout un côté qu'on a trop peu mis en lumière, ou plutôt qu'on a méconnu. Molière, jusqu'à sa mort, fut en progrès continuel dans la poésie du comique. Qu'il ait été en progrès dans l'observation morale et ce qu'on appelle le haut comique, celui du misanthrope, du Tartuffe et des femmes savantes, le fait est trop évident, et je n'y insiste pas. Mais autour, au travers de ce développement, où la raison de plus en plus ferme, l'observation de plus en plus mûre ont leur part, il faut admirer ce surcroît toujours montant et bouillonnant de verbes comiques, très folles, très riches, très inépuisables, que je distingue fort, quoique la limite soit malaisée à définir, de la farce un peu bouffonne et de la lie un peu scarronesque où Molière trempa au début. Que dirais-je? C'est la distance qu'il y a entre la prose du roman comique et tel cœur d'Aristophane ou certaines échappées sans fin de Rabelais. Le génie de l'ironique et mordante gaieté a son lyrique aussi, ses purs ébats, son rire étincelant, redoublé, presque sans cause, en se prolongeant, désintéressé du réel, comme une flamme folâtre qui voltige de plus belle après que la combustion grossière a cessé, un rire des dieux, suprême, inextinguible. C'est ce que n'ont pas senti beaucoup d'esprits de goût, Voltaire, Vauvenargues et autres, dans l'appréciation de ce qu'on appelait les dernières farces de Molière. M. de Schlegel aurait dû le mieux sentir, lui qui célèbre mystiquement les poétiques fusées finales de Calderon. Et il aurait dû ne pas rester aveugle à ces fusées, pour le moins égales, d'éblouissantes gaietés qui font aurore à l'autre pôle du monde dramatique. Il a bien accordé à Molière d'avoir le génie du burlesque, mais en un sens prosaïque, comme il le fait à Scarron, et en préférant de beaucoup le génie fantastique et poétique du comédien Legrand. M. de Schlegel gardait-il rancune à Molière pour le trait innocent du pédant Charitides sur les Allemands d'alors, grands inspectateurs d'inscriptions et enseignes? Quoi qu'on ait dit, M. de Pourceaugnac, le bourgeois gentilhomme, le malade imaginaire, atteste au plus haut point ce comique jaillissant et imprévu, qui, à sa manière, rivalise en fantaisie avec le songe d'une nuit d'été et la tempête. Pourceaugnac, M. Jourdain, Argan, c'est le côté de Sganarelle continué, mais plus poétique, plus dégagé de la farce du barbouillé, plus enlevé souvent par-delà le réel. Molière, forcé pour les divertissements de cour de combiner ses comédies avec des ballets, en vint à déployer, à déchaîner dans ses danses de commande les cœurs bouffons et pétulants des avocats, des tailleurs, des turcs, des apothicaires. Le génie se fait de chaque nécessité une inspiration. Cette issue, une fois trouvée, l'imagination inventive de Molière s'y précipita. Les comédies à ballet dont nous parlons n'étaient pas du tout, qu'on se garde de le croire, des concessions au gros public, des provocations directes au rire du bourgeois, bien que ce rire y trouvât son compte. Elles furent imaginées plutôt à l'occasion des fêtes de la cour. Mais Molière s'y complut bien vite et s'y exalta comme éperdument. Il fit même des ballets intermèdes aux malades imaginaires, de son propre mouvement, et sans qu'il y eût pour cette pièce destination de cour ni ordre du roi. Il s'y jetait d'ironie à la fois et de gaieté de cœur, le grand homme, au milieu de ses amertumes journalières, comme dans une âcre et étourdissante ivresse. Il y mourut en pleine crise, et dans le son le plus aigu de cette saillie montée au délire. Or, maintenant, entre ces deux points extrêmes du malade imaginaire, ou de Pourceaugnac et du Barbouillé, du cocu imaginaire, par exemple, qu'on place successivement la charmante naïveté, expression de Boileau, de l'école des femmes, de l'école des maris, l'excellent et profond caractère de l'avare, tant de personnages vrais, réels, ressemblant à beaucoup et non copiés pourtant, mais trouvés, le sens docte, grave et mordant du misanthrope, le Tartuffe qui réunit tous les mérites par la gravité du ton encore, par l'importance du vice attaqué et le pressant des situations, les femmes savantes, enfin, le plus parfait style de comédie en vers, le troisième et dernier coup porté par Molière aux critiques de l'école des femmes, à cette race des prudes et précieuses. Qu'on marque ces divers points, et l'on aura toute l'échelle comique imaginable. De la farce franche et un peu grosse du début, on se sera élevé, en passant par le naïf, le sérieux, le profondément observé, jusqu'à la fantaisie du rire dans toute sa pompe et au gai sabbat le plus délirant. Les fourberies de Scapin, jouées entre le bourgeois gentilhomme et l'école des femmes, appartiennent-elles à cette adorable folie comique dont j'ai tâché de donner idée, ou retombent-elles par moments dans la farce un peu enfarinée et bouffonne, comme l'a pensé Boileau en son art poétique? Je serais peut-être de ce dernier avis, sauf les conclusions trop générales qu'en tire le poète régulateur. Étudiez la cour et connaissez la ville. L'une et l'autre est toujours un modèle fertile. C'est par là que Molière, illustrant ses écrits, peut-être de son art eût remporté le prix, si, moins ami du peuple en ses doctes peintures, il n'eût pas fait souvent grimacer ses figures, quitté pour le bouffon l'agréable et le fin, et sans honte à Terrains, Allier et Tabarin. Dans ce sac ridicule où Scapin l'enveloppe, je ne reconnais plus l'auteur du Misanthrope. Quant aux restrictions reprochées et reprochables à Boileau en cet endroit, son tort est d'avoir trop généralisé un jugement qui, appliqué à Scapin, pourrait sembler vrai au pied de la lettre. Cette pièce est effectivement imitée en partie du Phormion de Terence et en partie de la Franciscine de Tabarin. De plus, en lisant convenablement le vers, dans ce sac ridicule où Scapin l'enveloppe, car Molière en cette pièce jouait le rôle de Géronte, et par conséquent il entrait en personne dans le sac. On conçoit l'impression pénible que causait à Boileau cette vue de l'auteur du Misanthrope, malade, âgé de près de 50 ans et bâtonné sur le théâtre. Si nous eussions vu notre Talma à la scène dans la même situation subalterne, nous en aurions certes souffert. Je lis dans Ciceron Rival le trait suivant, qui éclaire et précise le passage de l'art poétique. 2 mois avant la mort de Molière, M. Despréaux alla le voir et le trouva fort incommodé de sa toux, et faisant des efforts de poitrine qui semblaient le menacer d'une fin prochaine. Molière, assez froid naturellement, fit plus d'amitié que jamais à M. Despréaux. Cela l'engagea à lui dire « Mon pauvre M. Molière, vous voilà dans un pitoyable état. La contention continuelle de votre esprit, l'agitation continuelle de vos poumons sur votre théâtre, tout enfin devrait vous déterminer à renoncer à la représentation. N'y a-t-il que vous dans la troupe qui puisse exécuter les premiers rôles? Contentez-vous de composer et laissez l'action théâtrale à quelqu'un de vos camarades. Cela vous ferait plus d'honneur dans le public, qui regardera vos acteurs comme vos gagistes. Vos acteurs d'ailleurs, qui ne sont pas des plus souples avec vous, sentiront mieux votre supériorité. » Ah, monsieur, répondit Molière, que me dites-vous là? Il y a un honneur pour moi à ne point quitter. Plaisant point d'honneur, disait en soi-même le satirique, qui consiste à se noircir tous les jours le visage pour se faire une moustache de sganarelle, et à dévouer son dos à toutes les bastonnades de la comédie. Quoi, cet homme, le premier de notre temps pour l'esprit et pour les sentiments d'un vrai philosophe, cet ingénieux censeur de toutes les folies humaines, en a une plus extraordinaire que celle dont il se moque tous les jours? Cela montre bien le peu que sont les hommes. Boileau, en effet, ne conseillait pas à Molière d'abandonner ses camarades, ni d'abdiquer la direction. Ce que le chef de troupe aurait pu refuser par humanité, comme on a dit, et par beaucoup d'autres raisons. Il le pressait seulement de quitter les planches. C'était le vieux comédien obstiné qui, chez Molière, ne voulait pas. Boileau dut écrire, ce me semble, le passage de l'art poétique sous l'impression qui lui resta du précédent entretien. La postérité sent autrement. Loin de les blâmer, on aime ses faiblesses et ses contradictions dans le poète de génie. Elles ajoutent au portrait de Molière et donnent à sa physionomie un air plus proportionné à celui du commun des hommes. On le retrouve tel encore, et l'un de nous tous, dans ses passions de cœur, dans ses tribulations domestiques. Le comique Molière était né tendre et facilement amoureux, de même que le tendre Racine était né assez caustique et enclin à l'épigramme. Sans sortir des œuvres de Molière, on aurait des preuves de cette sensibilité dans le penchant qu'il eut toujours au genre noble et romanesque, dans beaucoup de vers de Don Garcia et de la princesse d'Élide, dans ses 3 charmantes scènes de dépit amoureux, tant de la pièce de Snon que du Tartuffe et du bourgeois gentilhomme, enfin dans la scène touchante d'Elvire Boileau au 4e acte de Don Juan. Plaut et Rabelais, ces grands comiques, offrent aussi, malgré leur réputation, des traces d'une faculté sensible, délicate, qu'on surprend en eux avec bonheur, mais Molière surtout. Il y a tout un Terence dans Molière. En amitié, on n'aurait que de beaux traits à en dire. Son sonnet sur la mort de l'abbé Lamothe Levaillère et la lettre qu'il y a jointe honore sa douleur. Bien mieux que le lyrique Malherbe, il s'entendait à pleurer avec un père. Je veux citer de Don Garcia quelques vers de tendresse, desquels Racine eût pu être jaloux pour sa Bérénice. Un soupir, un regard, une simple rougeur. Un silence est assez pour expliquer un cœur. Tout parle dans l'amour, et sur cette matière, le moindre jour doit être une grande lumière. Oh, que la différence est connue aisément, de toutes ces faveurs qu'on fait avec étude, à celles où du cœur fait pencher l'habitude. Dans les unes, toujours, on paraît se forcer, mais les autres, hélas, se font sans y penser, semblables à ces eaux si pures et si belles, qui coule sans effort des sources naturelles. Et dans les fâcheux, l'amour aime surtout les secrets de faveur. Dans l'obstacle qu'on force, il trouve des douceurs. et le moindre entretien de la beauté qu'on aime, lorsqu'il est défendu, devient grâce suprême. Et dans la princesse d'Élide, premier acte, première scène, ces vers, qui expriment une observation si vraie sur les amours tardives, développées longtemps seulement après la première rencontre. Ah, qu'il est bien peu vrai que ce qu'on doit aimer, aussitôt qu'on le voit, prend droit de nous charmer, et qu'un premier coup d'œil allume en nous les flammes, ou le ciel en naissant à destiner nos âmes. Avec toute la tirade qui suit. Or, Molière, de complexion sensible à ce point et amoureuse, vers le temps où il peignait le plus gaiement du monde, Arnolphe dictant les commandements du mariage à Agnès, Molière, âgé de 40 ans lui-même, 1662, épousait la jeune Armande Béjart, âgée de 17 ans en plus, et sœur cadette de Madeleine. Malgré sa passion pour elle et malgré son génie, il n'échappa point au malheur dont il avait donné de si folâtres peintures. Don Garci était moins jaloux que Molière. Georges Dandin et Sganarelle étaient moins trompés. À partir de la princesse d'Élide, où l'infidélité de sa femme commença de lui apparaître, sa vie domestique ne fut plus qu'un long tourment. Averti des succès qu'on attribuait à M. de Lauzun près d'elle, il en vint à une explication. Mademoiselle Molière, dans cette situation difficile, lui donna le change sur Lauzun en avouant une inclination pour M. de Guiche, et s'en tira, dit la chronique, par des larmes et un évanouissement. Tout meurtri de sa disgrâce, notre poète se remit à aimer Mademoiselle de Brie, ou plutôt il venait s'entretenir près d'elle des injures de l'autre amour. Alceste est ramené à Iliante par les rebuts de Célimène. Lorsqu'il donna le Misanthrope, Molière, brouillé avec sa femme, ne la voyait plus qu'au théâtre, et il est difficile qu'entre elle, qui jouait en effet Célimène, et lui, qui représentait Alceste, quelque allusion à leurs sentiments et à leur situation réelle ne se retrouve pas. Ajoutez, pour compliquer les ennuis de Molière, la présence de l'ancienne Béjart, femme impérieuse, peu débonnaire à ce qui semble. Le grand homme cheminait entre ces trois femmes, aussi embarrassé parfois, comme le lui disait agréablement Chapelle, que Jupiter au siège des lions entre les trois déesses. Mais laissons parler sur ce chapitre domestique un contemporain du poète, dans un récit fort peu authentique sans doute, assez vraisemblable pourtant de fond ou même de couleur, et à quoi, comme familiarité de détail, rien ne peut suppléer. Cependant, ce ne fut pas sans se faire une grande violence que Molière résolut de vivre avec sa femme dans cette indifférence. La raison la lui faisait regarder comme une personne que sa conduite rendait indigne des caresses d'un honnête homme. Sa tendresse lui faisait envisager la peine qu'il aurait de la voir, sans se servir des privilèges que donne le mariage, et il y rêvait un jour dans son jardin d'Auteuil, quand un de ses amis, nommé Chapelle, qui s'y venait promener par hasard, l'aborda, et le trouvant plus inquiet que de coutume, il lui en demanda plusieurs fois le sujet. Molière, qui eut quelque honte de se sentir si peu de constance pour un malheur si fort à la mode, résista autant qu'il put. Mais il était alors dans une de ces plénitudes de cœur si connues par les gens qui ont aimé. Il céda à l'envie de se soulager et avoua de bonne foi à son ami que la manière dont il était forcé d'en user avec sa femme était la cause de cet abattement où il se trouvait. Chapelle, qui croyait être au-dessus de ces sortes de choses, le railla sur ce qu'un homme comme lui, qui savait si bien peindre le faible des autres, tombait dans celui qu'il blâmait tous les jours, et lui fit voir que le plus ridicule de tous était d'aimer une personne qui ne répond pas à la tendresse qu'on a pour elle. « Pour moi, lui dit-il, je vous avoue que si j'étais assez malheureux pour me trouver en pareil état, et que je fusse persuadé que la même personne accorda des faveurs à d'autres, j'aurais tant de mépris pour elle qu'il me guérirait infailliblement de ma passion. Encore avez-vous une satisfaction que vous n'auriez pas si c'était une maîtresse, et la vengeance qui prend ordinairement la place de l'amour dans un cœur outragé. Vous pouvez payer tous les chagrins que vous cause votre épouse puisque vous n'avez qu'à l'enfermer. Ce serait un moyen assuré de vous mettre l'esprit en repos. » Molière, qui avait écouté son ami avec assez de tranquillité, l'interrompit afin de lui demander s'il n'avait jamais été amoureux. « Oui, lui répondit Chapelle, je l'étais comme un homme de bon sens doit l'être, mais je ne me serais jamais fait une si grande peine pour une chose que mon honneur m'aurait conseillé de faire, et je rougis pour vous de vous trouver si incertain. Je vois bien qu'on n'avait encore rien aimé, répondit Molière. Et vous avez pris la figure de l'amour pour l'amour même. je ne vous rapporterai point une infinité d'exemples qui vous feraient connaître la puissance de cette passion. Je vous ferai seulement un récit fidèle de mon embarras, pour vous faire comprendre combien on est peu maître de soi-même, quand elle a une fois pris sur nous un certain ascendant, que le tempérament lui donne d'ordinaire. Pour vous répondre donc sur la connaissance parfaite que vous dites que j'ai du cœur de l'homme par les portraits que j'en expose tous les jours, je demeurerai d'abord que je me suis étudié autant que j'ai pu à connaître leurs faibles. Mais si ma science m'a appris qu'on pouvait fuir le péril, mon expérience ne m'a que trop fait voir qu'il est impossible de l'éviter. J'en juge tous les jours par moi-même. Je suis né avec les dernières dispositions à la tendresse, et comme j'ai cru que mes efforts pourraient inspirer à ma femme, par l'habitude, des sentiments que le temps ne pourrait détruire, je n'ai rien oublié pour y parvenir. Comme elle était encore fort jeune quand je l'épousai, je ne m'aperçus pas de ses méchantes inclinations, et je me crus un peu moins malheureux que la plupart de ceux qui prennent de pareils engagements. Aussi le mariage ne ralentit point mes empressements. Mais je lui trouvais tant d'indifférence que je commençais à m'apercevoir que toute ma précaution avait été inutile, et que ce qu'elle sentait pour moi était bien éloigné de ce que j'avais souhaité pour être heureux. Je me fis à moi-même ce reproche sur une délicatesse qui me semblait ridicule dans un mari, et j'attribuais à son humeur ce qui était un effet de son peu de tendresse pour moi. Mais je n'eus que trop de moyens pour m'apercevoir de mon erreur, et la folle passion qu'elle eut, peu de temps après, pour le comte de Guiche, fit trop de bruit pour me laisser dans cette tranquillité apparente. Je n'épargnai rien, à la première connaissance que j'en eus, pour me vaincre moi-même, dans l'impossibilité que je trouvais à la changer. Je me servis pour cela de toutes les forces de mon esprit. J'appelai à mon secours tout ce qui pouvait contribuer à ma consolation. Je la considérais comme une personne de qui tout le mérite était dans l'innocence, et que par cette raison n'en conservait plus depuis son infidélité. Je pris dès lors la résolution de vivre avec elle comme un honnête homme qui a une femme coquette, et qui est bien persuadé, quoi qu'on puisse dire, que sa réputation ne dépend point de la mauvaise conduite de son épouse. Mais j'eus le chagrin de voir qu'une personne sans beauté, qui doit le peu d'esprit qu'on lui trouve à l'éducation que je lui ai donnée, détruisait en un moment toute ma philosophie. Sa présence me fit oublier mes résolutions, et les premières paroles qu'elle me dit pour sa défense me laissèrent si convaincu que mes soupçons étaient mal fondés, que je lui demandai pardon d'avoir été si crédule. Cependant, mes bontés ne l'ont point changé. Je me suis donc déterminé de vivre avec elle comme si elle n'était pas ma femme. Mais si vous saviez ce que je souffre, vous auriez pitié de moi. Ma passion est venue à tel point qu'elle va jusqu'à entrer avec compassion dans ses intérêts. Et quand je considère combien il m'est impossible de vaincre ce que je sens pour elle, je me dis en même temps qu'elle a peut-être une même difficulté à détruire le penchant qu'elle a d'être coquette, et je me trouve plus dans la position de la plaindre que de la blâmer. Vous me direz sans doute qu'il faut être poète pour aimer de cette manière, mais pour moi je crois qu'il n'y a qu'une sorte d'amour, et que les gens qui n'ont point senti de semblable délicatesse n'ont jamais aimé véritablement. Toutes les choses du monde ont du rapport avec elle dans mon cœur. Mon idée en est si fort occupée, que je ne sais rien en son absence qui m'en puisse divertir. Quand je la vois, une émotion et des transports qu'on peut sentir, mais qu'on ne saurait dire, m'ôtent l'usage de la réflexion. Je n'ai plus Dieu pour ses défauts, il m'en reste seulement pour tout ce qu'elle a d'aimable. N'est-ce pas là le dernier point de folie? Et n'admirez-vous pas que tout ce que j'ai de raison ne sert qu'à me faire connaître ma faiblesse, sans en pouvoir triompher? Je vous avoue à mon tour, lui dit son ami, que vous êtes plus à plaindre que je ne pensais, mais il faut tout espérer du temps. Continuez cependant à faire vos efforts, ils feront leur effet lorsque vous y penserez le moins. Pour moi, je vais faire des vœux afin que vous soyez bientôt content. Il se retira et laissa Molière, qui rêvait encore fort longtemps au moyen d'amuser sa douleur. Cette touchante scène se passait à Auteuil, dans ce jardin plus célèbre par une autre aventure que l'imagination classique a brodée à l'infini, qu'Andrieux a fixée avec goût, et dont la gaieté convient mieux à l'idée commune qu'éveille le nom de Molière. Je veux parler du fameux souper où, pendant que l'amphitryon malade gardait la chambre, Chapelle fit si bien les honneurs de la cave et du festin que tous les convives, des préaux en tête, couraient se noyer à la scène de gaieté de cœur, si Molière, amené par le bruit, ne les avait persuadés de remettre l'entreprise au lendemain à la clarté des cieux. Notez que cette joyeuse histoire n'a eu tant de vogue que parce que le nom populaire de notre grand comique s'y mêle et l'anime. Le nom littéraire de Boileau n'aurait pas suffi pour la vulgariser à ce point. On ne va pas remuer de la sorte des anecdotes sur Racine. Ces espèces de légendes n'ont cours qu'à l'occasion de poètes vraiment populaires. C'est aussi un retour paro de la maison d'Auteuil qu'eut lieu entre Molière et Chapelle, l'aventure du minime. Chapelle, resté pur gassindiste par souvenir de collège, comme quelque ancien barbiste de nos jours qui, buveur et paresseux, est resté fidèle au vers latin, Chapelle disputait à tue-tête dans le bateau sur la philosophie des atomes, et Molière lui niait vivement cette philosophie en ajoutant toutefois, dit l'histoire, passe pour la morale. Or, un religieux se trouvait là qui paraissait attentif aux différents, et qui, interpellé tour à tour par l'un et par l'autre, lâchait de temps en temps un du ton d'un homme qui en dit moins qu'il ne pense. Les deux amis attendaient sa décision. Mais en arrivant devant les bons hommes, le religieux demanda à être mis à terre et prit sa besace au fond du bateau. Ce n'était qu'un moine mendiant. Son discret et lâché à propos l'avait fait juger capable. « Voyez, petit garçon, » dit alors Molière à Baron Enfant qui était là, « voyez ce que fait le silence quand il est observé avec conduite. » Quant à la scène sérieuse, mélancolique du jardin entre Chapelle et Molière que nous avons donnée, Grimaret la raconte à peu près dans les mêmes termes, mais il y fait figurer le physicien Rouault au lieu de Chapelle. Il est très possible que Molière ait parlé à Rouault de ses chagrins dans le même sens qu'à son autre ami. Mais on est tenté plus volontiers d'accueillir la version précédente, bien qu'elle fasse partie d'un libelle scandaleux, la fameuse comédienne, publiée contre la veuve de Molière, la Guérin, qui, comme tant de veuves de grands hommes, s'était remariée peu dignement. On trouve dans ce même écrit, qui ne semble pas du reste dirigé contre Molière lui-même, d'étranges détails racontés en passant sur sa liaison première avec le jeune baron, baron qui jouait alors Myrtille dans Mélicerte. La pensée se reporte involontairement à certains sonnets de Shakespeare. Mais ignorons, repoussons pour Molière ce que dément tout d'abord son génie si franc du collier, comme la duchesse palatine d'Orléans le disait de Louis XIV, et ce que dans Shakespeare au moins on ne peut tenter d'expliquer honorablement et d'idéaliser. Si Molière n'a pas laissé de sonnet, à la façon de quelques grands poètes, sur ses sentiments personnels, ses amours, ses douleurs, en a-t-il transporté indirectement quelque chose dans ses comédies, et en quelle mesure l'a-t-il fait? On trouve dans sa vie, par M. Taschereau, plusieurs rapprochements ingénieux des principales circonstances domestiques avec les endroits des pièces qui peuvent y correspondre. Molière, disait Lagrange, son camarade et le premier éditeur de ses œuvres complètes, Molière faisait d'admirables applications dans ses comédies, où l'on peut dire qu'il a joué tout le monde, puisqu'il s'y est joué le premier, en plusieurs endroits, sur les affaires de sa famille, et qui regardait ce qui se passait dans son domestique. C'est ce que ses plus particuliers amis ont remarqué bien des fois. Ainsi, au troisième acte du Bourgeois gentilhomme, Molière a donné un portrait ressemblant de sa femme. Ainsi, dans la scène première de l'impromptu de Versailles, il place un trait piquant sur la date de son mariage. Ainsi, dans la cinquième scène du second acte de l'Avare, il se raille lui-même sur sa fluxion et sa toux. Ainsi encore, dans l'Avare, il accommode au rôle de la flèche la marche boiteuse de Béjart aîné, comme il avait attribué au Jodelet des Précieuses la pâleur de visage du comédien Brécourt. Il est infiniment probable qu'il a songé dans Arnolphe, dans Alceste, à son âge, à sa situation, à sa jalousie, et que sous le travestissement d'Argan, il donne cours à son antipathie personnelle contre la faculté. Mais une distinction essentielle est à faire, et l'on ne saurait trop la méditer parce qu'elle touche au fond même du génie dramatique. Les traits précédents ne portent que sur des conformités assez vagues et générales ou sur de très simples détails, et en réalité, aucun des personnages de Molière n'est lui. La plupart même de ces traits tout à l'heure indiqués ne doivent être pris que pour des artifices et de menus à propos de l'acteur excellent ou pour quelqu'une de ces confusions passagères entre l'acteur et le personnage familière aux comiques de tous les temps et qui aident au rire. Il n'en faut pas dire moins de ces prétendues copies que Molière aurait faites de certains originaux. Alceste serait le portrait de Monsieur de Montausier, le bourgeois gentilhomme celui de Rouault, l'avare celui du président de Bercy, que sais-je. Ici c'est le comte de Gramont, là le duc de la Feuillade, qui fait les frais de la pièce. Les Dangeaux, les Talmans, les Guy Patin, les Cizeron Ribal, ces amateurs d'Anna, donnent là-dedans avec un zèle ingénu et nous tiennent au courant de leurs découvertes anecdotiques sans nombre. Tout cela est futile. Non, Alceste n'est pas plus M. de Montausier qu'il n'est Molière, qu'il n'est Despréaux, dont il reproduit également quelques traits. Non, le chasseur même des fâcheux n'est pas tout uniment M. de Soyaucourt, et Trissotin n'est l'abbé Cotin qu'un moment. Les personnages de Molière, en un mot, ne sont pas des copies mais des créations. Je crois à ce que dit Molière des prétendus portraits dans son impromptu de Versailles, mais par des raisons plus radicales que celles qu'il donne. Il y a des traits à l'infini chez Molière, mais pas ou peu de portraits. La Bruyère et les peintres critiques font des portraits, patiemment, ingénieusement. Ils collationnent les observations, et en face d'un ou de plusieurs modèles, ils reportent sans cesse sur leur toile un détail à côté d'un autre. C'est la différence d'Onufre à Tartuffe. La Bruyère qui critique Molière ne la sentait pas. Molière lui invente, engendre ses personnages, qui ont bien ça et là des airs de ressembler à tel ou tel, mais qui, au total, ne sont qu'eux-mêmes. L'entendre autrement, c'est ignorer ce qu'il y a de multiple et de complexe dans cette mystérieuse physiologie dramatique dont l'auteur seul a le secret. Il peut se rencontrer quelques traits d'emprunt dans un vrai personnage comique, mais entre cette réalité copiée à un moment puis abandonnée et l'invention, la création qui la continue, qui la porte, qui la transfigure, la limite est insaisissable. Le grand nombre superficiel salue au passage un trait de sa connaissance et s'écrie « C'est le portrait de tel homme ». On s'attache pour plus de commodité une étiquette connue à un personnage nouveau. Mais véritablement, l'auteur seul sait jusqu'où va la copie et où l'invention commence. Seul, il distingue la ligne sinueuse, la jointure plus savante et plus divinement accomplie que celle de l'épaule de Pélops. Dans cette famille d'esprits qui compte, en divers temps et à divers rangs, Cervantes, Rabelais, Le Sage, Fielding, Beaumarchais et Walter Scott, Molière est, avec Shakespeare, l'exemple le plus complet de la faculté dramatique, et à proprement parler, créatrice, que je voudrais exactement déterminer. Shakespeare a de plus que Molière les touches pathétiques et les éclats du terrible. Macbeth, le roi Lear, Ophélie. Mais Molière achète à certains égards cette perte par le nombre, la perfection, la contexture profonde et continue de ses principaux caractères. Chez tous ces grands hommes, évidemment, chez Molière plus évidemment encore, le génie dramatique n'est pas une extension, un épanouissement au-dehors d'une faculté lyrique et personnelle qui, partant de ses propres sentiments intérieurs, travaillerait à les transporter et à les faire revivre le plus possible sous d'autres masques. Byron dans ses tragédies, pas plus que ce n'est l'application pure et simple d'une faculté d'observation critique, analytique, qui relèverait avec soin dans des personnages de sa composition les traits épars qu'elle aurait rassemblés, graissés dans le méchant. Il y a toute une classe de dramatiques véritables, qui ont quelque chose de lyrique en un sens, ou de presque aveugle dans leur inspiration, un échauffement qui naît d'un vif sentiment actuel et qu'ils communiquent directement à leur personnage. Molière disait du grand Corneille « Il a un lutin qui vient de temps en temps lui souffler d'excellents vers, et qui ensuite le laisse là en disant « Voyons comme il s'en tirera quand il sera seul. » Et il ne fait rien qui vaille, et le lutin s'en amuse. N'est-ce pas dans ce même sens, et non dans celui qu'a supposé Voltaire, que Richelieu reprochait à Corneille de n'avoir pas l'esprit de suite? Corneille, en effet, Crébillon, Schiller, Ducy, le vieux Marlowe, sont ainsi sujets à des lutins, à des émotions directes et soudaines, dans les accès de leurs veines dramatiques. Ils ne gouvernent pas leur génie selon la plénitude et la suite de la liberté humaine. Souvent sublimes et superbes, ils obéissent à je ne sais quel cri de l'instinct et à une noble chaleur du sang, comme les animaux généreux, lions ou taureaux. ils ne savent pas bien ce qu'ils font. Molière, comme Shakespeare, le sait. Comme ce grand devancier, il se meut, on peut le dire, dans une sphère plus librement étendue. Et par cela supérieure, se gouvernant lui-même, dominant son feu, ardent à l'œuvre, mais lucide dans son ardeur. Et sa lucidité, néanmoins, sa froideur habituelle de caractère au centre de l'œuvre si mouvante, n'aspirait en rien à l'impartialité calculée et glacée, comme on l'a vu de Goethe, le Talleyrand de l'art. Ces raffinements critiques au sein de la poésie n'étaient pas alors inventés. Molière et Shakespeare sont de la race primitive, deux frères. Avec cette différence, je me le figure, que dans la vie commune, Shakespeare, le poète des pleurs et de l'effroi, développait volontiers une nature plus riante et plus heureuse, et que Molière, le comique réjouissant, se laissait aller à plus de mélancolie et de silence. Le génie lyrique, élégiaque, intime, personnel, je voudrais lui donner tous les noms plutôt que celui de subjectif qui centre l'école, ce génie, qui est l'antagoniste né du dramatique, se chante, se plaint, se raconte et se décrit sans cesse. S'il s'applique au dehors, il est tenté à chaque pas de se mirer dans les choses, de se sentir dans les personnes, d'intervenir et de se substituer partout en se déguisant à peine. Il est le contraire de la diversité. Molière, en son épître à Mignard, a dit du dessin des physionomies et des visages. Et c'est là qu'un grand peintre, avec pleine largesse, d'une féconde idée étale la richesse, faisant briller partout de la diversité, et ne tombant jamais dans un air répété. Mais un peintre commun trouve une peine extrême à sortir dans ses airs de l'amour de soi-même. De redites sans nombre, il fatigue les yeux, et plein de son image, il se peint en tout lieu. Notre poète caractérisait, sans y songer, le génie lyrique, qui du reste n'était pas développé et isolé de son temps comme depuis. La Fontaine, qui en avait de naïves effusions, y associait une remarquable faculté dramatique qu'il mit si bien en jeu dans ses fables. Racine, génie admirablement heureux et proportionné, capable de tout dans une belle mesure, aurait excellé à se chanter et à se décrire, si ça avait été la mode alors. De même, qu'en se tournant à la réalité du dehors, il aurait excellé au portrait, à l'épigramme fine et à la raillerie, comme cela se voit par la lettre à l'auteur des imaginaires. Les plaideurs trahissent en lui la vocation la plus opposée à celle d'Esther. Son principal talent naturel était pourtant, je le crois, vers l'épanchement de l'élégie. Mais on ne peut trop le décider, tant il a su convenablement s'identifier avec ses nobles personnages, dans la région mixte, idéale et modérément dramatique, où il se déploie à ravir. Une marque souveraine du génie dramatique, fortement caractérisé, c'est, selon moi, la fécondité de production. C'est le maniement de tout un monde qu'on évoque autour de soi et qu'on peuple sans relâche. J'ai cherché à soutenir ailleurs que chaque esprit sensible, délicat et attentif peut faire avec soi-même, et moyennant le souvenir choisi et réfléchi de ses propres situations, un bon roman, mais un seul. J'en dirais presque autant du drame. On peut faire jusqu'à un certain point une bonne comédie, un bon drame, en sa vie. Témoin, Gresset et Piron. C'est dans la récidive, dans la production facile et infatigable, que se déclare le don dramatique. Tous les grands dramatiques, quelques-uns même fabuleux en cela, ont montré cette fertilité primitive de génie, une fécondité digne des patriarches. Voilà bien la preuve du don, de ce qui n'est pas explicable par la seule observation sagace, par le seul talent de peindre, faculté magique de certains hommes, qui, enfant, leur fait jouer des scènes, imiter, reproduire et inventer des caractères avant presque d'en avoir observé, qui, plus tard, quand la connaissance du monde leur est venue, réalisent à leur gré des originaux en foule, qu'on reconnaît pour vrai sans les pouvoir confondre avec aucun des êtres déjà existants, l'inventeur s'effaçant et se perdant lui-même dans cette foule bruyante comme un spectateur obscur. L'ingénieux critique allemand, Tieck, a essayé de discerner la personne de Shakespeare dans quelques profils secondaires de ses drames, dans les Horatio, les Antonio, aimables et heureuses figures. On a cru voir ainsi la physionomie bienveillante de Scott dans les Mordaunt Morton et autres personnages analogues de ses romans. on ne peut même en conjecturer autant pour Molière. Mademoiselle Poisson, femme du comédien Nesnon, a donné de Molière le portrait suivant, que ceux qu'Alès et Mignard ne démentent pas pour les traits physiques et qui satisfait l'esprit par l'image franche qu'il suggère. Molière, dit-elle, n'était ni trop gras ni trop maigre. Il avait la taille plus grande que petite. Le port noble, la jambe belle. Il marchait gravement, avait l'air très sérieux, le nez gros, la bouche grande, les lèvres épaisses, le teint brun, les sourcils noirs et forts, et les divers mouvements qu'il leur donnait lui rendaient la physionomie extrêmement comique. À l'égard de son caractère, il était doux, complaisant, généreux. Il aimait fort haranguer, et quand il lisait ses pièces aux comédiens, il voulait qu'ils y amenassent leurs enfants pour tirer des conjectures de leurs mouvements naturels. Ce qui apparaît en ce peu de lignes de la mâle beauté du visage de Molière m'a rappelé ce que Tieck raconte de la face toute humaine de Shakespeare. Shakespeare, jeune, inconnu encore, attendait dans la chambre d'une auberge l'arrivée de Lord Southampton, qui allait devenir son protecteur et son ami. Il écoutait en silence le poète Marlowe, qui s'abandonnait à sa verve bruyante sans prendre garde au jeune inconnu. Lord Southampton, étant arrivé dans la ville, dépêcha son page à l'hôtellerie. « Tu vas aller, lui dit-il en l'envoyant, dans la chambre commune. Là, regarde attentivement tous les visages. Les uns, remarque-le bien, te paraîtront ressembler à des figures d'animaux moins nobles, les autres à des figures d'animaux plus nobles. Cherche toujours jusqu'à ce que tu aies rencontré un visage qui ne te paraisse ressembler à rien autre qu'un visage humain. C'est là l'homme que je cherche. Salue-le de ma part et amène-le-moi. » Et le jeune page s'empressa d'aller, et en entrant dans la chambre commune, il se mit à examiner les visages et, après un lent examen, trouvant le visage du poète Marlowe le plus beau de tous, il crut que c'était l'homme et il l'amena à son maître. La physionomie de Marlowe, en effet, ne manquait pas de ressemblance avec le front d'un noble taureau, et le page, comme un enfant qu'il était encore, en avait été frappé plus que de tout autre. Mais Lord Southampton lui fit ensuite remarquer son erreur, et lui expliqua comment le visage humain et proportionné de Shakespeare, qui frappait peut-être moins au premier abord, était pourtant le plus beau. Ce que Tieck a dit là si ingénieusement des visages, il le veut dire, surtout on le sent, de l'intérieur des génies. Molière ne séparait pas les œuvres dramatiques de la représentation qu'on en faisait, et il n'était pas moins directeur et acteur excellent qu'admirable poète. Il aimait, avons-nous dit, le théâtre, les planches, le public. Il tenait à ses prérogatives de directeur, à haranguer en certains cas solennel, à intervenir devant le parterre, parfois orageux. On raconte qu'un jour il apaisa par sa harangue messieurs les mousquetaires, furieux de ce qu'on leur avait supprimé leurs entrées. Comme acteur, ses contemporains s'accordent à lui reconnaître une grande perfection dans le jeu comique, mais une perfection acquise à force d'études et de volonté. La nature, dit encore Mademoiselle Poisson, lui avait refusé ses dons extérieurs si nécessaires au théâtre, surtout pour les rôles tragiques. Une voix sourde, des inflexions dures, une volubilité de langue qui précipitait trop sa déclamation, le rendaient de ce côté fort inférieur aux acteurs de l'hôtel de Bourgogne. Il se rendit justice et se renferma dans un genre où ses défauts étaient plus supportables. Il eut même bien des difficultés pour y réussir et ne se corrigea de cette volubilité, si contraire à la belle articulation, que par des efforts continuels qui lui causèrent un hoquet qu'il a conservé jusqu'à la mort et dont il savait tirer parti en certaines occasions. Pour varier ses inflexions, il mit le premier en usage certains tons inusités, qui le firent d'abord accuser d'un peu d'affectation, mais auxquels on s'accoutuma. Non seulement il plaisait dans les rôles de Mascarille, de Sganarelle, d'Ali, etc., il excellait encore dans les rôles de haut comique, tels que ceux d'Arnolphe, d'Orgon, d'Harpagon. C'est alors que, par la vérité des sentiments, par l'intelligence des expressions au point qu'il ne distinguait plus le personnage représenté d'avec le comédien qui le représentait. Aussi se chargeait-il toujours des rôles les plus longs et les plus difficiles. Tous les contemporains, Devisé, Segret, sont unanimes sur ce succès prodigieux obtenu par Molière dès qu'il consentait à déposer la couronne tragique de laurier pour laquelle il avait un faible. Dans ce qu'on appelle les rôles à manteau où il jouait, le seul grand Ménil peut-être l'a égalé depuis. Mais dans le tragique aussi, sa direction, si ce n'est son exécution, était parfaite. La lutte qu'il soutint avec l'hôtel de Bourgogne, et dont l'impromptu de Versailles constate plus d'un détail piquant, n'est autre que celle du débit vrai contre l'emphase déclamatoire, de la nature contre l'école. Mascari, dans Les Précieuses, se moque des comédiens ignorants qui récitent comme l'on parle. Molière et sa troupe étaient de ceux-ci. On croirait dans l'impromptu entendre les conseils de notre Talma sur Nicomède. Comme Talma encore, Molière était grand et somptueux en manière de vivre, riche à 30 000 livres de revenus qu'il dépensait amplement en libéralité, en réception, en bienfaits. Son domestique ne se bornait pas à cette bonne Laforêt, confidente célèbre de ses vers, et les gens de qualité à qui il rendait volontiers leur égal ne trouvaient nullement chez lui un ménage bourgeois et à la Corneille. Il habitait, dans la dernière partie de sa vie, une maison de la rue de Richelieu, à la hauteur et en face de la rue Traversière, vers le numéro 34 d'aujourd'hui. Molière, arrivé à l'âge de 40 ans, au comble de son art, et se semble de la gloire, affectionné du roi, protégé et recherché des plus grands, mandé fréquemment par Monsieur le Prince, allant chez Monsieur de la Rochefoucauld lire les femmes savantes, et chez le vieux cardinal de Ré lire le bourgeois gentilhomme, Molière, indépendamment de ses désaccords domestiques, était-il, je ne dis pas heureux dans la vie, mais satisfait de sa position selon le monde? On peut affirmer que non. Éteigner, atténuer, déguiser le fait sous toutes les réserves imaginables, malgré l'éclat du talent et de la faveur, il restait dans la condition de Molière quelque chose dont il souffrait. Il souffrait de manquer parfois d'une certaine considération sérieuse, élevée. Le comédien en lui nuisait au poète. Tout le monde riait de ses pièces, mais tous ne les estimaient pas assez. Trop de gens ne le prenaient, il le sentait bien, que comme le meilleur sujet de divertissement. Molière, avec Tartuffe, y doit jouer son rôle. On le faisait venir pour égayer ce bon vieux cardinal, pour l'émoustiller un peu. Madame de Sévigné en parle sur ce ton. Chapelle l'appelait grand homme, mais ses amis, considérables, et Boileau le premier, regrettaient en lui le mélange du bouffon. On voit, après sa mort, Devisé, dans une lettre à Grimaret, contester le monsieur à Molière. Et à son convoi, une femme du peuple à qui l'on demandait quel était ce mort qu'on enterrait. « Eh !» répondit-elle, « c'est ce Molière !» Une autre femme qui était à sa fenêtre et qui entendit ce propos s'écria « Comment, malheureuse, il est bien monsieur pour toi !» Molière, observateur clairvoyant et inexorable comme il était, devait ne rien perdre de 1000 chétives circonstances qu'il dévorait avec mépris. Certains honneurs même le dédommageaient médiocrement, et parfois le flattaient assez amèrement, je pense, comme par exemple l'honneur de faire en qualité de domestique le lit de Louis XIV. Lorsque Louis XIV encore, pour fermer la bouche aux calomnies, était parrain avec la duchesse d'Orléans du premier enfant de Molière, et couvrait ainsi le mariage du comédien de son manteau fleur-de-lysé. Lorsqu'en une autre circonstance il le faisait asseoir à sa table et disait tout haut, en lui servant une aile de son encas de nuit, « Me voilà occupé de faire manger Molière, que mes officiers ne trouvent pas assez bonne compagnie pour eux. » Le fier offensé était-il et demeurait-il aussi touché de la réparation que de l'injure? Vauvenargues, dans son dialogue de Molière et d'un jeune homme, a fait exprimer au poète-comédien, d'une manière touchante et grave, ce sentiment d'une position incomplète. Il aura pris l'idée de ce dialogue dans un entretien réel, rapporté par Grimaret, et où le poète dissuada un jeune homme qu'il venait consulter sur sa vocation pour le théâtre. Dix mois avant sa mort, Molière, par la médiation d'amis communs, s'était rapproché de sa femme qu'il aimait encore, et il était même devenu père d'un enfant qui ne vécut pas. Le changement de régime, causé par cette reprise de vie conjugale, avait accru son irritation de poitrine. Deux mois avant sa mort, il reçut cette visite de Boileau dont nous avons parlé. Le jour de la 4e représentation du malade imaginaire, Molière se sentit plus indisposé que de coutume. Mais je laisse parler Grimaret, qui a dû tenir de baron les détails de la scène, et dont la naïveté plate me semble préférable sur ce point

mais le bon curé saisit l'occasion pour se justifier lui-même du soupçon de jansénisme, et le roi le fit taire. Et puis, il faut tout dire. Molière était mort. Il ne pouvait plus désormais amuser Louis XIV. Et l'égoïsme immense du monarque, cet égoïsme hideux, incurable, qui nous est mis à nu par Saint-Simon, reprenait le dessus. Louis XIV congédia brusquement le curé et la veuve. En même temps, il écrivit à l'archevêque d'aviser à quelque moyen terme. Il fut décidé qu'on accorderait un peu de terre, mais que le corps s'en irait directement et sans être présenté à l'église. Le 21 février, au soir, le corps, accompagné de deux ecclésiastiques, fut porté au cimetière de Saint-Joseph, rue Montmartre. 200 personnes environ suivaient, tenant chacune un flambeau. Il ne se chanta aucun chant funèbre. Dans la journée même des obsèques, la foule, toujours fanatique, s'était assemblée autour de la maison mortuaire avec des apparences hostiles. On la dissipa en lui jetant de l'argent. Il fut moins aisé de la dissiper au convoi de Louis XIV. À peine mort, de toutes parts, on apprécia Molière. On sait les magnifiques vers de Boileau, qui s'y éleva à l'éloquence et qui eut un accent de Bossuet, sur une mort où Bossuet eut la violence d'un letellier. La réputation de Molière a brillé croissante et incontestée depuis. Le XVIIIe siècle a fait plus que la confirmer, il l'a proclamée avec une sorte d'orgueil philosophique. Il ne se fit entendre contre que les réclamations morales de Jean-Jacques et quelques réserves du bon Thomas, l'ami de Madame Necker en faveur des femmes savantes. Guinguené a publié une brochure pour montrer Rabelais précurseur et instrument de la Révolution française. C'était inutile à prouver sur Molière. Tous les préjugés et tous les abus flagrants avaient évidemment passé par ses mains, et comme instrument de circonstance, Beaumarchais lui-même n'était pas plus présent que lui. Le Tartuffe, à la veille de 89, parlait aussi net que Figaro. Après 94 et jusqu'en 1800 et au-delà, il y eut un incomparable moment de triomphe pour Molière, et par les transports d'un public ramené au rire de la scène, et par l'esprit philosophique régnant alors et vivement satisfait, et par l'ensemble, la perfection des comédiens français chargés des rôles comiques, et l'excellence de Grandménil en particulier. La Révolution close, Napoléon, qui restaurait nombre de vieilleries sociales qu'avait ébréchées autrefois Molière, lui rendit un singulier et tacite hommage. En rétablissant les princes, ducs, comtes et barons, il désespéra des marquis, et sa volonté impériale s'arrêta devant Mascarille. Notre jeune siècle, en recevant cette gloire qu'il n'a jamais révoquée en doute, s'en est surtout servi quelque temps comme d'un auxiliaire, comme d'une arme de défense ou de renversement. Mais bientôt, en l'embrassant d'une plus équitable manière, en la comparant, selon la philosophie et l'art, avec d'autres renommées des nations voisines, il l'a mieux comprise encore et respectée. Sans cesse agrandie la sorte, la réputation de Molière, merveilleux privilège, n'est parvenue qu'à s'égaler au vrai et n'a pu être surfaite. Le génie de Molière est désormais un des ornements et des titres du génie même de l'humanité. La Rochefoucauld, en son style ingénieux, a dit que l'absence éteint les petites passions et accroît les grandes, comme un vent violent qui souffle les chandelles et allume les incendies. On en peut dire autant de l'absence, de l'éloignement et de la violence des siècles par rapport aux gloires. Les petites s'y abîment, les grandes s'y achèvent et s'en augmentent. Mais parmi les grandes gloires elles-mêmes, qui durent et qui survivent, il en est beaucoup qui ne se maintiennent que de loin, pour ainsi dire, et dont le nom reste mieux que les œuvres dans la mémoire des hommes. Molière, lui, est du petit nombre toujours présent, au profit de qui se font et se feront toutes les conquêtes possibles de la civilisation nouvelle. Plus cette mer d'oubli du passé s'étend derrière et se grossit de tant de débris, et plus aussi elle porte ses mortels fortunés et les exauce. Un flot éternel les ramène tout d'abord au rivage des générations qui recommencent. Les réputations, les génies futurs, les livres peuvent se multiplier. Les civilisations peuvent se transformer dans l'avenir, pourvu qu'elles se continuent. Il y a 5 ou 6 grandes œuvres qui sont entrées dans le fond inaliénable de la pensée humaine. Chaque homme de plus qui sait lire est un lecteur de plus pour Molière. Ainsi s'achève le portrait littéraire de Molière par Charles-Augustin Sainte-Beuve.